Et salut tout le monde, il est 21h, vous êtes sur Splash Wave Radio et nous sommes les Splash Wave Rangers, j'allais dire, tu vois. Eh ben ouais, non. Ouais, on est les Splash Wave Rangers. Alors avec nous, il y a Laïa. Bonjour tout le monde. Et puis il y a Lolita. Oui, salut, je suis Lolita. Puis il y a Xeno. Bonjour, c'est Reno. Non mais trop de Splash Wave, tu le Splash Wave. Non, nous sommes les YOLO Recorders, qui est pas pareil. Qui n'est pas pareil du tout. Et ah, nous vraiment sommes beaucoup contents. Pareil, non, effectivement. Non, c'est pas la même chose, c'est-à-dire que nous, on est moins organisés. Et on est très contents d'être de retour avec vous pour cette... ça sera quoi, la première, deuxième émission de la rentrée? Troisième. Oui, troisième émission de la rentrée. Tellement d'émissions qu'on ne sait plus compter. Et aujourd'hui, cette fois-ci, on va pas faire de One Again to Piece to Fly. Ouais, je suis totalement d'accord, ouais. On va parler agenda sortie de l'année, puisque effectivement nous sommes début 2016, enfin pas là maintenant, mais quand vous allez écouter, on sera début 2016. Voilà. C'est vrai que c'est pas du tout ce qu'on a fait la semaine dernière. Non, mais c'est pour ça qu'on va pas se ramuser à vous dire bonne année, parce que du coup on s'en fout, on l'a déjà dit, on va pas le redire à chaque émission pendant tout le mois de janvier, ça n'a strictement aucun intérêt. Voilà, donc cette semaine, nous parlons bien entendu de Final Fantasy VII. De la suite, du coup, Final Fantasy VII Remake deuxième partie. Voilà. Ça sera, on va parler de ce jeu-là sur à peu près 4 à 5 parties différentes. Non, cette fois-ci, non, sérieusement, cette fois-ci, on va faire une émission agenda des sorties pour voir ce qui est prévu cette année 2016, pour voir si cette année sera une bonne année pour le jeu vidéo, peut-être une bonne année pour le vin, mais ça, clairement, nous, on s'en fout un peu. Ah oui, complètement. Après, il y a peut-être des gens qui jouent en buvant du vin, et donc du coup, ce serait bien que ça soit une bonne année pour le jeu et pour le vin, parce que là, bah, du coucou, coup, vous faites coucou, un... Coucou à Dame Dame, hein, qui joue en buvant du vin. Voilà, et bah du coup ça pourrait être un combo parfait. Bonne année jeux vidéo, bonne année vin, voilà, ça serait excellent. Ah, cette année le vin sera de très bonne qualité. C'est Mighty qui l'a dit. Ah, dis pas ça comme ça, on va avoir des problèmes. Ah oui, non, pardon. Ah, ça peut prêter à confusion après. D'ailleurs, coucou. Coucou à dimanche. Et à ah Mighty. Mais non, mais merde, je pensais pas à ça moi. J'étais pas du tout dans cet esprit, moi j'ai pensé à Mighty, tu vois, la Mighty quoi. Oui, mais toi tu l'as pensé, mais peut-être que d'autres le penseront pas comme ça. Voilà. C'est pour ça que ça peut prêter à confusion. Et d'ailleurs, on l'a pas demandé, on va faire un petit peu la radio commerciale. On vous a pas demandé ça, du coup. Alors, ce sera pas la première émission, ce sera la deuxième émission. On vous a souhaité une bonne année, mais on vous a pas demandé est-ce que vous avez été gâté pour Noël. Alors, n'hésitez pas sur Twitter et sur Boubouk à nous envoyer. Avec le hashtag YOLORECORDS, nous envoyez votre liste de cadeaux de Noël que vous avez eu, et puis lol, on passera en direct. Trop lol. Bah d'ailleurs, en parlant de ça, non, j'ai pas envie de te demander à toi ce que t'as eu à Noël, parce que tu m'en as parlé tout à l'heure. Oui, mais heureusement que j'ai pas eu que ça, parce que sinon... Ah, putain, tu m'as fait peur, j'ai cru que t'avais eu que ça, justement, j'étais en train de me dire, merde, c'est quand même un Noël bien pourri. Bah non, mais, non, c'était la touche humoristique du Noël. Il y a toujours quelqu'un de ta famille à Noël qui va te faire un cadeau lol. Oui. Voilà. Et puis moi, bah, cette année, mon cadeau lol, ça a été des verres. Alors, pas des verres... Enfin, j'ai eu aussi des verres, mais enfin, des shooters. J'ai eu des shooters Star Wars qui sont juste énormes. Hein. On ne peut pas savoir ce genre d'infos. Mais j'ai aussi des verres un peu comme des verres à bois. Vous savez, les petits verres blancs, là, les trucs qui grouillent. Cuisiner en fait, qui vous servent d'apéritif ou de complément alimentaire dans certaines recettes. Et c'est juste, alors c'est particulier parce que c'est en fait le goût. On va pas se mentir, le goût c'est très bon parce que ça se situe entre la pistache et la noisette, donc c'est quand même vachement bon. La texture, bah, c'est comme manger, je sais pas moi, un truc, enfin voilà, un petit biscuit craquant parce que c'est cuit, donc ça craque sous la dent. Par contre, après, c'est juste la gueule du machin qui donne absolument pas envie. Parce que non, c'est le kiff de très peu de personnes de bouffer des verres. Bon, à côté, voilà, hein, j'ai quand même des cadeaux beaucoup plus sérieux, dont le nouveau Assassin's Creed Syndicate, que j'attendais énormément, et que j'ai pu avoir, et que je suis en train de faire actuellement, que j'ai pas fini, mais qui est, comparativement à Unity, petite parenthèse, bien mieux. C'est-à-dire qu'ils ont appris de leurs erreurs. Maintenant, il y a un bug Ouais, tu tombes souvent dessus. J'allais dire, est-ce que cette année ils l'ont fini avant de le sortir? Non. J'ai pas croisé de bug comme on a pu en croiser dans Unity, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bug genre de non-finition du jeu. Je pense que ça serait un bug d'ambition sur lequel je suis tombé, c'est que c'est le jeu est très riche. Que ce soit au niveau des textures, du visuel, de la taille de la map, de l'activité, de voilà, c'est quelque chose de très riche. C'est moins brouillon que Unity, c'est beaucoup plus travaillé que Unity. Maintenant, ce qui se passe, c'est que des fois, bah, le jeu met un peu de temps à charger le décor, parce qu'on peut parcourir toute la carte sans temps de chargement. Et lors d'actions un peu rapides, telles que des courses de calèche ou des bastons sur des trains, des fois, il va y avoir des freezes. Parce que le jeu est en train de charger en fait les textures et le décor. Oh merde. Donc, c'est très con parce que par moments c'est juste ultra gênant, mais voilà, c'est pas. Ça aurait pu être travaillé par rapport à ça, donc je pense qu'il y aura peut-être un patch qui devrait mettre ça, qui devrait régler ça. Mais honnêtement, c'est le seul gros bug que j'ai rencontré. Et voilà, c'est pas vraiment un bug de non finition, c'est un bug d'ambition. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'ambition et il y a ce petit truc à mon avis qui a dû passer à la trappe ou inaperçu de leur côté. Mais voilà, pour le plus gros, sinon alors qu'ils ont juste pas voulu corriger, ça arrive aussi. Hein. Oui, bah, ça se trouve aussi, mais je pense que là, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient ce souci-là, donc je pense qu'ils vont peut-être le retravailler, ce serait intéressant. Dans un patch futur, mais après voilà, non, c'est un jeu qui est très riche, très complet, qui est très beau. Donc moi pour l'instant, même au niveau de l'histoire, c'est bien amené puisque ça change vraiment totalement des autres. On n'est plus sur un cas de, on a un personnage qui à la base n'est pas assassin et qui va perdre un membre de sa famille, qui va crier vengeance et qui va apprendre le credo, découvrir le credo. C'est-à-dire que là, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ce schéma-là qu'on retrouve un petit peu dans tous, mais plus, c'est des jumeaux qui sont déjà assassins de longue date et qui ont parfaitement intégré le credo et qui cherchent pas de vengeance, ils veulent juste libérer la ville de Londres et de l'oppression des Templiers. Donc c'est même l'histoire, je trouve que c'est intéressant parce que ça change un petit peu du schéma habituel. Oui, très clairement. On va pas s'attarder là-dessus. On va attaquer. L'agenda est sorti. Alors j'ai juste un petit truc à dire quand même parce que c'est quelque chose que on n'a pas précisé, mais qui est réel. On n'a pas regardé la liste avant en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'on va la découvrir en même temps que vous. C'est ça, donc on va pas, je pense, vous détailler tous les jeux, parce qu'il y en a qui sont intéressants, d'autres pas intéressants, d'autres qui méritent pas qu'on s'attarde dessus. On fera peut-être des arrêts sur des trucs qu'on n'a pas entendu parler, juste histoire nous aussi de les découvrir en même temps que vous, de voir peut-être si c'est intéressant ou pas. Donc voilà, ça va être, on va essayer de faire au plus court. Ça va être sport. Ça va être sport surtout. La question étant de savoir, maintenant je te vais demander, est-ce qu'on fait donc au mois et on s'en fout de la chronologie des sorties, c'est-à-dire sur le mois, ou est-ce qu'on fait semaine par semaine ? On fait sur le mois, on s'en fout de la chronologie des sorties, hein, très clairement. Impeccable. Donc, toute logique s'ensuit, on va commencer par le mois de janvier. En sachant que là, quand l'émission sera diffusée, il y aura peut-être des jeux dont on va parler. Oui, il y en aura certains qui seront déjà sortis. Effectivement. Donc, alors janvier, nous avons brièvement Amplitude, qu'on avait vu la dernière fois, qui se rapproche d'un... Merde, de quel jeu déjà, on avait dit ? Un jeu de course de vaisseau, là. Oui, de F-Zero. Voilà. Donc ça a l'air d'être le espèce de successeur spirituel. Ce jeu-là, peut-être une volonté. Enfin, en tout cas, voilà, ça va signer, je pense, le retour de ce type de jeu. Donc, uniquement sur PS4 pour le moment. Sur la plateforme, je vois que PS4. Ouais. Ensuite, on a, je pense qu'on va avoir les deux, ou il y aura peut-être un mode décalage entre les deux. Mais on a Assassin's Creed Chronicle India. Donc, qui sont des sortes de jeux à part en 3D. 3D horizontal. Donc il y a déjà le China qui est sorti, là il y a l'India, et il y aura le Russia je crois en février, enfin on verra ça sur la suite. Donc sur PS4, Xbox One et PC. Ensuite, on a Gone Home Console Edition. Oui, dont je t'avais déjà parlé. Hein. Exactement. Qui est une espèce de petit jeu. Alors, si je me trompe pas, c'est juste tu es une fille qui rentre à la maison et tu explores ta maison. Voilà. C'est pas... voilà. Il est pas trop mal. Bah, c'est un jeu narratif, hein, bien entendu. Moi, j'ai trouvé ça assez sympa. Gone Home, je l'avais vu très rapidement. C'est assez sympathique. Bah ça peut être ouais, ça peut être un bon petit cru de janvier, ouais, ça peut être une petite sortie fraîche de l'année pour les consoles, tout du moins pour ceux qui vont prendre sur console. Ensuite on a The Banner Saga, donc qui est un jeu financé par Kickstarter et qui sortira sur PS4 et Xbox One le 12 janvier. On a Odin Sphere Life Drazir, donc prévu le 14 janvier uniquement au Japon. Pour le moment. Parce que je vois un petit drapeau japonais, donc ça veut dire que ça va être la sortie japonaise. Sur PS4, PS Vita et PS3. Oxenfree sur Xbox One et PC le 15 janvier, donc je ne sais pas du tout ce que c'est comme jeu. Je ne connais pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est la sortie. Alors, un jeu qui est déjà sorti. Hein. Mais qui était en alpha jusque là, c'est Darkest Dungeon, qui est un petit jeu très très très très très sympa, un petit roguelike. Il est vraiment vraiment vraiment cool, moi j'ai beaucoup aimé. Après voilà, ça dépend de qui y joue, parce que bien entendu tout le monde ne va pas aimer ça. Moi j'avais bien aimé, j'avais trouvé ça très très très sympa comme petit jeu. C'est pas du grand, c'est pas du gros jeu non plus, c'est pas fou, hein. Mais c'est vraiment sympa. Ce qu'il y a après, par contre, alors je pense que là, ça va être dans la journée, dans les jours de sortie de justement cet épisode. C'est le Resident Evil 0 HD Remaster. Bah qui voilà. qui est un HD Remaster. Qui est juste un HD Remaster, voilà. Voilà, mais quand on voit ce qu'ils ont fait, parce que moi j'ai fait ça sur Twitch un petit peu, quand on voit ce qu'ils ont fait avec le Resident Evil 1 HD Remaster, ils avaient fait un HD Remaster du tout premier Resident Evil, ça claquait bien des fesses. Donc il y a de fortes chances que celui-là claque bien aussi. Donc il y a de fortes chances que celui-là claque bien aussi. Après, ça dépend si on aime ou pas... Les Resident Evil, moi je sais que le 1 claquait bien des fesses, mais j'y avais pas joué des masses parce que je ne supporte pas Resident Evil. Bah, pour les amateurs de la licence, c'est. Voilà, pour les amateurs de la licence qui. C'est toujours bon à prendre. Voilà, qui aiment les. Pour ceux qui aiment les jeux de base et qui veulent pas se casser le cul à ressortir leur vieille PS1 ou à avoir des jeux qui sont plus forcément supportés sur les systèmes d'exploitation actuels, c'est vraiment bien. Enfin, voilà, moi c'est mon avis, hein, bien entendu. Non, puis c'est bien retravaillé, ça permet d'avoir une nouvelle approche du jeu. C'est ça, Capcom a tendance à bien faire les choses. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un jeu avec des graphismes juste légèrement lissés, avec... Un peu quand même, hein. Un peu quand même, mais il y a le côté... Il y a le côté, tu peux utiliser maintenant les personnages des nouveaux Resident Evil. C'est-à-dire que c'est les mêmes personnages, mais ils ont un nouveau sprite et des nouveaux trucs comme ça. Donc, ça peut être plus intéressant. Moi, je sais que j'avais joué justement avec, au début, quand j'ai lancé le jeu, j'avais joué avec Léon, version Resident Evil 5. Où là tu fais ouais c'est classe et en fait j'ai dû en stream repasser sur le Léon classique parce que ma carte graphique ne supportait pas le nouveau Léon quoi. ça prenait juste trop de ressources pour le PC. J'ai dû jouer avec l'ancien Léon et j'étais là ta mère. Mais voilà, non, c'est vraiment bien. Bon, après, il n'y a pas grand chose de comment de bah, de nouveau quoi dessus. Non, c'est juste un kiff pour les aficionados de la série quoi. Et il y a aussi Resident Evil Origin Collection qui sort le 22, donc pas longtemps après, donc ouais. C'est bien pour ceux qui aiment bien Resident Evil. Là, c'est ça va faire deux jeux en très peu de temps. Bah, l'Origins Collection, voilà, c'est. Alors après, c'est un peu la baise. Parce que du coup, en fait, c'est juste le Resident Evil 0 et le HD, en fait. C'est-à-dire que t'as tout ce que t'avais avant, le HD, les HD Remaster, mais ils sortent en physique. Il y a des gens que ça peut intéresser, hein. Enfin, coucou. Donc, du coup, il vaut mieux peut-être attendre le Resident Evil Origin Collection et ne pas prendre le 0 HD Remaster. Voilà, c'est ça. Donc voilà, vous êtes avertis, c'est-à-dire que si vous achetez le Resident Evil 0 HD Remaster le 19 janvier, bien le 22, vous allez pouvoir vous passer un Doliprane par le cul. Voilà. c'est exactement ça en plus, hein, faut être honnête. Bah, c'est l'idée, hein. Ensuite, au niveau des grosses, bon, je pense qu'on va plus faire vraiment les sorties connues. Oui, c'est ça. On va faire les sorties connues parce que sinon on va jamais s'en sortir. Lego Marvel's Avengers. Bah voilà, hein, c'est les Avengers dans l'univers de Lego. Next. Voilà, ça sera, je pense, un bon jeu parce que les jeux Lego sont très très bons, très bien amenés avec un humour qui plaît aux petits et aux grands. Donc c'est une bonne idée. Ça peut être une bonne sortie, honnêtement. Après nous avons, alors je sais, Shadow of the Beast. Ouais, ça a l'air d'être un jeu qui est développé par Sony. Mais c'est un remake d'un jeu sorti en 90 sur Amiga. Donc qu'est-ce que ça va valoir? Aucune idée. Très sincèrement, aucune idée. Je connais pas le jeu de base, en fait, le Shadow of the Beast. Moi non plus, de nom ça me parle, mais après. Oui, c'est parce qu'on en a parlé la dernière fois qu'on a enregistré. Mais on verra, voilà, ça sera le jeu, on verra ce que ça donne. Voilà. Après, alors un truc qui moi m'intéresse un petit peu, c'est le Dragon Quest Builders, parce que je vais pas dire que je suis un gros fan de la saga Dragon Quest, parce que c'est faux, j'ai joué au 8, j'ai beaucoup aimé Dragon Quest 8, c'est un des premiers jeux que j'avais eu sur PS2. Donc ça remonte, là il sort, je vous spoil un peu, mais il sort bientôt sur 3DS, en février normalement. Donc du coup, moi je suis en mode un peu oui, parce que voilà, je me suis acheté une 3DS, c'est pas pour rien quoi. C'est pas pour regarder du porn. C'est pas pour regarder du porn, donc là j'ai fini Pokémon Ruby Omega, je suis en train de finir Pokémon X, tranquille. Mais Dragon Quest, ouais, voilà, c'est du gros, c'est du gros, du lourd. Et puis il y a juste après Final Fantasy Explorers qui sort sur 3DS, justement. En France, parce que le Dragon Quest Builder, faut pas oublier que le 28 janvier, c'est la sortie japonaise. C'est japonais, voilà. Hein, c'est donc, japonais, est-ce la question tente de savoir, est-ce qu'il y aura une sortie française, enfin européenne? Ça arrivera en France. Ça arrivera plus tard, mais en tout cas, voilà. Si vous pouvez pas attendre, vous pouvez toujours faire de l'import, hein. Voilà, et si vous parlez japonais aussi, parce que alors là. Tu dis ça, mais je crois, hein, si je dis pas de conneries, que les consoles 3DS sont zonées. Je suis pas sûr de ce que je dis. Hein. Donc en fait, tu fais de l'import sur un jeu japonais, tu te fais baiser la tronche. Voilà. Il me semble que c'est ça. Je peux dire une connerie. Donc restez impatients. Je peux dire une connerie, mais voilà, je préfère pas dire aux gens oui, la console 3DS est dézonée, faites votre import japonais, parce que ça se trouve. Soyez prudent, attendez la sortie européenne. Voilà, c'est ça, attendez la sortie européenne. S'il y a des gens, hein, les PDD qui connaissent un petit peu mieux ça que nous, vous pouvez voilà nous dire si la 3DS est zonée ou pas. On mettra ça dans la description. Et une autre grosse sortie et une un peu plus petite et un peu plus drôle pour terminer ce mois de janvier. Tout d'abord, c'est le Rise of the Tomb Raider qui est sorti déjà sur Xbox One, qui sort sur PC, mais exactement, toujours pas sur PS4. Niquez-vous Sony. Voilà. Oui, non, mais bon, tant mieux, hein. Tant mieux. Nous, on attendra, ceux qui ont la PS4 attendront un an, ou s'achèteront une Xbox One, hein, ça dépend de leurs moyens. Voilà. Après, voilà, effectivement, sorti sur PC. Hein, sur PC, hein, bon, le jeu a pas l'air très intéressant, soyons honnêtes. Si, quand même. Moi, il me donne bien envie. Enfin, je pense que quand il sortira, si j'ai pas l'Xbox One d'ici là, je pense que je l'aurai pas. Je pense que quand il sortira sur PS4, je vais me jeter un peu dessus quand même. Hein. Alors moi, très sincèrement, j'ai vu les images du jeu. Ça ressemble énormément à Tomb Raider sorti en 2013. Oui. Et j'avais pas aimé du tout, beaucoup trop de QTE, beaucoup trop de... Voilà, c'est un peu trop le bordel. Et puis surtout, pour les gens qui suivent le bazar du grenier, hein, la chaîne de let's play du JDG, This War of Mine, qui sort sur PS4 et Xbox One. Voilà, c'était la petite news fun pour terminer. Oui, parce que bah, moi j'ai vu, alors j'ai pas, parce que j'ai vu quelques vidéos, et du coup je pense que j'irai voir sur la chaîne du grenier, parce que j'ai vu quelques vidéos de ce jeu-là, et j'ai jamais réellement compris le truc. Mais j'aimais beaucoup le visuel. J'ai jamais vraiment compris, j'ai pas vraiment regardé non plus, donc. Mais je pense que j'irai, parce que franchement, visuellement, il a l'air sympa, il a l'air d'avoir une bonne idée derrière, donc. J'irai, je pense, me renseigner plus en amont sur ce jeu qui pourrait fortement m'intéresser. Et pour finir, Rise of the Tomb Raider, Baba Yaga, The Temple of the Witch. C'est un DLC, hein, voilà, on va pas s'attarder dessus, on s'en fout, voilà, c'est fait, parfait. On va passer en février. Voilà, on va passer au mois de février avec des grosses sorties. Sur le mois de février, il y a des trucs. Ouais, il y a des trucs qui sont relativement juste fous. Juste fou, je vais me permettre hein, juste de prendre. Je vais pas vraiment parler des jeux, mais est-ce qu'il y en a besoin? Les jeux dont je vais parler, est-ce qu'il y a besoin d'en parler? Bon, il y a Naruto Shippuden qui sort hein, pour les gens qui aiment bien ça, voilà, faites-vous plaisir. Il y a XCOM 2. Ouais. XCOM 2, la suite de XCOM, putain, ça va être vraiment génial. Parce que c'était une très bonne série, les XCOM, c'est. Carrément. Carrément. Ils ont même un fameux, que ce soit au niveau de l'histoire, des environnements et du game system qui est juste énorme comme game system. Enfin, c'est super bien pensé. Compliqué à prendre en main quand même, mais. Un peu compliqué, mais une fois que tu l'as en main, une fois que tu as compris comment ça marche. Ça va être la gestion après. Voilà, le côté gestion qu'il va falloir bien cadrer parce que ça peut être ultra pénalisant. Une partie peut durer très peu de temps. Hein. Oui, c'est ça. Mais franchement, très bonne nouvelle ce retour d'XCOM. À voir. Voilà, à voir. À voir si c'est pas le XCOM de trop. Oh, je pense pas, parce qu'il y en a quand même pas eu. Il y en a quand même pas eu des masses. C'est vrai. Il y en a quand même pas eu des masses et c'est assez. C'est assez sympathique. Moi, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, alors on a bon, Dying Light, l'Enhanced Edition. C'est une ressortie, c'est une histoire de. Ressortie, tout ça, avec apparemment un DLC, The Following. Ou alors, exactement. Bref. Mighty Number 9. Alors, c'est pas un gros jeu, je le sais, mais j'en parle pourquoi? Parce que c'est développé par une boîte qui s'appelle Concept. Et c'est le quasi-retour, ça pourrait presque être le retour d'un héros qu'on attendait depuis des années, des années, des années, Megaman. Ouais. C'est un nouveau Megaman, mais qui ne s'appelle pas Megaman. C'est tout. C'est Megaman, mais sans le nom Megaman. Voilà, enfin, désolé, mais pour moi, ça c'est génial. On a aussi forcément un jeu de combat. Coucou à monsieur Ken Bogard, Street Fighter V. Ah, ben là, c'est. Je connais beaucoup de personnes qui sont super adeptes des jeux de combat, Mortal Kombat, Street Fighter, et qui l'attendent avec grande impatience. Le Street Fighter V a eu plusieurs bêta faites. Avait l'air, enfin moi j'en ai vu très peu parce que je suis pas fan de jeux de combat donc je m'en fous. Je te rejoins aussi là-dessus. Mais je vois beaucoup de gens dans mon entourage qui sont des fans de jeux de combat et qui sont en mode Street Fighter 5. Et donc effectivement là tu fais. non ça va être pour beaucoup parce que il y en a beaucoup qui sont amateurs de ce type de jeu. Pour beaucoup ça va être l'une des sorties de l'année. Ouais, je pense. Puisque de ce que j'ai vu des bêta, les gens étaient très très très très très très très contents, donc voilà, on verra bien. Far Cry Primal aussi. Ah, alors celui-là, ouais. Celui-là, ouais, je suis dégoûté de voir qu'il ne sort pas sur PC. Est-ce qu'à Xbox One seulement pour l'instant, apparemment. Pour le moment, il y aura peut-être. Bah, tu sais, ils sont peut-être encore en sont en train de l'optimiser pour PC du coup. Ce qui est pas je plus pense. Mal. Ce qui est pas plus mal, ça veut dire qu'au lieu de se taper une sortie, bah, tu regardes beaucoup de jeux sortent sur PC sortent après. Et beaucoup de jeux, enfin, la plus grande partie de qui sont sortis en même temps que sur console se retrouvaient avec des bugs d'optimisation monstrueux. C'est moi je pff, voilà quoi je trouve ça génial. Donc, si c'est bien optimisé, hein, voilà, s'ils nous font un truc bien optimisé. Ah bah si c'est bien optimisé, ça peut être voilà, ça peut être une redécouverte encore. Ça va être un changement dans la licence, puisque c'est vrai que moi j'ai découvert vraiment les Far Cry à partir du 3. Comme tout le monde, je pense. Hein. C'est un peu comme, oui. C'est un peu comme Fallout, des trucs comme ça. Les premiers épisodes, c'est genre ouais, c'est sympa, ouais. Ils ont leur petite base de fans, et une fois qu'ils sortent un gros truc, parce que c'est vrai que moi j'ai joué au 1 et au 2, j'ai pas pu y jouer longtemps, parce que putain, ça me filait la gerbe, c'était affreux, c'était ignoble, ça m'a filé la gerbe les deux premiers Far Cry. Pourtant j'ai essayé, hein. J'ai essayé, mais c'était vraiment trop. C'est vrai que là, le 3, bon, génial. Rien à dire, on fera une émission dessus un jour, vous inquiétez pas. Le 4, eh ben je crois que je suis un des détenteurs du record du monde de Far Cry 4. Pourquoi ? Avec un quart d'heure de jeu seulement et le jeu est fini. Ah, il y en a beaucoup qui tiennent ce record, rassure-toi. Voilà, la plus grosse blague du jeu, hein, tu t'avances, on me dit oui, attends là, je reviens. Voilà, t'attends un quart d'heure, le mec revient, on va voir la tombe de ta mère, tu vas voir la tombe de ta mère, le jeu est fini, paf ! Voilà, moi je kiffe. 70 boules dans le cul. Ah. Mais moi je kiffe, ça m'a beaucoup fait rire, j'ai trouvé ça, c'est un easter egg qui est tellement parfait. Bah qui est bien amené, c'est une bonne blague. C'est tellement parfait, et puis c'est un peu pour contrer l'esprit speedrun, tu vois. Bah, je pense qu'il y a plein de choses qui se cachent derrière, mais c'est vrai que non, c'est... Et puis, ça casse aussi le principe de... T'as beaucoup de jeux où il se passe ce genre de truc, et où quand tu vois ce genre de truc, effectivement, en tant que personne, t'as envie de te barrer, quoi. T'es en train de te dire, putain, mais c'est qui le malade mental qui est à côté de moi? Qu'est-ce qu'il fait? Je veux partir. Et je trouve ça super fun que les mecs, ils se soient dit, vous savez quoi? On va leur donner ce qu'ils veulent. Si tu restes là un quart d'heure, si t'attends le mec, il t'emmène et il essaye pas de te tuer. Moi, je trouve ça tellement génial que voilà, je trouve ça parfait. J'ai trouvé ça parfait. Et qu'est-ce qu'on a d'autre en grosse sortie? Bah si, il y a le Bravely Second qui sort après Bravely Default. Ils sortent Bravely Second, donc c'est toujours de Square, hein, avec bien entendu la Mega Man Legacy Collection de Capcom. Et oui, et Pokémon Mega Donjon Mystère. Ouais, ça je m'en fous un peu. La Legacy Collection de Mega Man était déjà sortie sur PC, PC, Xbox et PS4, je crois. Peut-être même sur PS Vita et des trucs comme ça, j'en sais rien. Il était sympa. C'était juste une sorte de version émulée en fait de Mega Man. Mais là, possibilité d'y jouer sur 3DS. Ça peut être sympa. Ça peut être cool. Bien entendu, il y a aussi deux jeux dont je parlais, dont on a parlé dans notre review de l'E3. Le Plant vs Zombie Garden Warfare 2. Oui. Qui avait l'air très sympa. Qui avait l'air très très cool. Oui, bah c'est du plante vs zombie colofisé. Ouais, c'est ça. Pas parodie de Call of, quoi. Enfin, voilà, c'est ça. Satire de Call of, hein, tout ce qu'on veut sur Call of. Satire un peu de Call of, des FPS de base, quoi. Mais voilà, en version. Mais on retrouve le la patte. Peut, la patte du jeu original, quoi. Donc ça peut être un jeu sympa. Voilà, ça peut être le jeu sympa à plusieurs. Je pense qu'à plusieurs, ça va être marrant. Donc voilà, ça peut être un truc sympa. Et Rocket League. Et non, alors moi c'est pas du tout Rocket League que je jouerais. Ah. Parce que Rocket League est déjà sorti sur PC. Moi j'ai vu un peu sur à quoi ça ressemblait. Ça m'intéresse pas. Non, c'est Unravel. Ah, c'est pas avec la pelote de... C'est avec le petit bonhomme en pelote de laine. Oui, mais j'avais zappé le nom, en fait. Et il sort sur PC le 9 février, et moi, là, je dis oui. Carrément, ça va être... Je pense que ça va être un des seuls trucs que je vais acheter, vraiment. Maintenant que j'ai des revenus et tout, je commence à beaucoup plus acheter de jeux. Mais Unravel, je pense que ça va être un achat quasi immédiat. Je vais pas forcément l'acheter immédiatement, je vais le tester avant. Mais ouais, non. Je pense que si il fera partie des jeux que je vais prendre aussi. Moi je trouve ça génial, quoi. Parce que c'est vrai que on en avait parlé, tu m'avais montré une vidéo, c'est vrai qu'il a l'air vachement sympa et super original et super frais. C'est ça, il a l'air absolument génial. Bien entendu, hein, le mois d'avant, on avait Assassin's Creed Chronicles India, maintenant on a Assassin's Creed Chronicles Russia. Le dernier d'une série de 3, du coup c'est le dernier, voilà, janvier en Inde et février en Russie. Et après c'est fini. Après il n'y a plus de Chronicles, oui. Heureusement, voilà. Parce que là, en sortir deux en deux mois, c'est peut-être un peu trop. Là, pour moi, il vise trop haut. Et il y en a un des deux, voire même les deux, qui vont pas être finis. Qui vont être finis à la pisse. Ça, c'est quasi obligé. Et on va passer au mois de mars, qui est un petit peu. Mois de mars qui. j'ai rien dit parce que là, on découvre en même temps que vous. Hein, on vous l'explique, on découvre le. Le planning. Et donc, on retire ce qu'on a dit, le Far Cry Primal sort en mars sur PC. Voilà, un mois après. Il m'a l'air quand même vachement bien, ce petit mois de mars. Bah, il y a pas mal de petits jeux. Après, tout ce qui est marqué T1, c'est premier trimestre. Donc, en fait, ça peut sortir entre janvier et mars. C'est ça. Donc, voilà. Mais du coup, quand même, dans les jeux qui sortent, bah, y a le Twilight Princess HD. Sur Wii U, oui. qui est bien. Enfin, moi, j'ai pas joué à Twilight Princess encore. C'est un truc. Il fait partie des épisodes cultes de Legend of Zelda. Bah, je sais pas. Moi, j'en ai pas entendu que du bien. Il a l'air pas trop mal. Hein. Je dis pas ça, mais j'en ai pas entendu que du bien. J'ai vu des speedruns qui étaient. Très très bien, même si on voyait très peu du jeu au final. Parce que les mecs ils glitchent à tout va, c'est assez drôle. Mais voilà, c'est. Oui, pour moi, ça peut être une bonne sortie. Après, j'ai pas de Wii U, donc je m'en fous un peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a The Division. Oui, qui. Voilà, Non, et puis en plus, qui a eu l'honnêteté d'annoncer qu'il y aurait, comparé aux toutes premières vidéos qu'on a pu voir de jeux qui étaient juste ouf, ils ont annoncé qu'il y aurait une downgrade. Voilà. Qu'ils avaient été très ambitieux et que, voilà, ils ont joué avec carte d'honnêteté en disant qu'il y aurait une downgrade, mais il y a des images qui ont été lâchées, donc des versions presque finies du jeu, et effectivement, on peut remarquer donc une mais qui n'est pas si importante. Enfin, si oufissime que ça, en fait. Donc, effectivement, le jeu a été revu un peu à la baisse, mais il reste quand même très beau et très intéressant. Voilà. C'est, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Voilà. D'en savoir un peu plus. Grosse sortie aussi. Oui. Le Hitman. Ah ouais, alors celui-là... Oh, le Hitman, il va déchirer. Ouais. Ça, déjà, moi, j'ai les images, j'ai des images de gameplay dans les yeux, c'est splendide. Ah bah, c'est le retour en force de Hitman, qui voilà, on a eu un... Enfin, qui restait une licence sous silence pendant quand même un petit moment, hein, qui a signé un retour qui, finalement, est passé inaperçu avec le Hitman, c'était le 5. Hitman 5, alors je sais plus s'il y avait un nom particulier, il me semble que oui, mais je ne suis plus sûr, qui était tourné beaucoup plus action au final que. Enfin, qui était. Voilà, qui reprenait les classiques du genre, mais tout en se tournant plus sur l'action, moins sur la filtration, il y avait un peu moins de possibilités et d'ouverture comparé aux anciens épisodes et il n'a pas fait l'unanimité. Voilà, il a eu un accueil très mitigé. Et je pense honnêtement quand on voit le jeu que ça faisait partie d'un investissement dans le prochain Hitman. Voilà. C'était un peu un épisode sorti sans dire à l'arrache parce qu'il était quand même relativement bien fait, mais sorti histoire de financer la véritable renaissance d'Hitman qui clairement va arriver. Parce qu'effectivement, sur les vidéos de présentation, que ça soit visuellement, que ça soit dans la preview des opportunités de tout ce qu'on peut faire, voilà, c'est le retour aux sources avec encore plus de choses, encore plus de possibilités, encore plus de choix, de d'amusement, de cibles à tuer sur des cartes qui sont quand même relativement ouf. Puisque les maps Hitman étaient quand même relativement grandes, hein, chaque carte avec notre cible était quand même relativement grande, ce qui permettait plusieurs approches possibles. Et là, ouais, là, on va être sur quelque chose de franchement bon et ouais, ça va être une grosse sortie. Ça va être une grosse sortie. Et puis dans les autres grosses sorties, bah, on a le Day of the Tentacle Remastered. Oui. Gros jeu, ça je l'attends. Parce que je suis pas fan de point and click, je vous le cache pas. Les gens qui m'ont vu un peu sur Twitch savent que j'ai commencé à jouer à comment s'appelle ce jeu de merde. Je suis désolé, hein, je cherche très rapidement Grim Fandango, qui était dans le même style, qui m'a pas laissé. Voilà, je vais pas aimer. Enfin, c'est tellement débile ce genre de jeu à l'ancienne. Alors je trouve ça bien, mais pour moi c'est des jeux qui sont impossibles à faire sans Solus. Quand tu sais que pour passer un niveau, hein, pour avancer dans un niveau, tu vas devoir par exemple aller dans le bureau du patron. Donc pour aller dans le bureau du patron, il faut aller parler à la secrétaire qui l'appelle le patron. Le patron répond en disant « Là, je suis occupé, je peux pas le faire. » Il faut sortir, aller chercher un ballon dans la fête au carnaval un tout petit peu plus loin. Revenir, monter une corde, lâcher le ballon près des oiseaux pour les faire s'envoler. Aller dans le bureau du patron. Voir que le patron n'est pas là, changer son répondeur en « Oui, fais ça pour moi ». Ressortir du bureau du patron, redescendre à la corde, retourner parler à la secrétaire, lui dire de rappeler pour qu'elle entende le « Oui, signez ça pour moi », tout ça pour avoir une voiture. Et là, moi, je suis désolé, je vois ça, je fais « Putain, c'est abusé, quoi ». Pour moi, ça, c'est un peu abusé, tu vois, je me dis « Putain, c'est chier, quoi ». C'est abusé, mais bon, c'était la politique voulue hein, des point and click de l'époque. Et c'est vrai que Day of the Tentacle, c'est quand même... Day of the Tentacle est comme ça, mais c'est un des jeux les plus connus, un des point and click les plus connus. Voilà, c'est quand même... Enfin, c'est une référence. Et pour moi, ça fait partie des remasters intelligents. C'est-à-dire que moi, je trouve ça super intelligent des jeux comme ça qui sont devenus cultes et qui sont très intéressants à faire. C'est bien de les mettre à disponibilité, enfin à disposition des gens maintenant sur les nouvelles plateformes. Voilà. Et donc du coup, ouais, ça, c'est un jeu qu'on conseille. Voilà, moi c'est un jeu que je vous conseille. Et puis bien entendu, bah, dans le trimestre, alors après on sait pas vraiment quand est-ce qu'ils vont sortir. Il y a un nouveau Orcs Must Die. Orcs Must Die, hein, tout le monde connaît. Banner Saga 2, qui a l'air pas trop mal. Et surtout, le dernier DLC, je crois, de The Witcher 3, Blood and Wine. Alors, je sais pas si c'est le dernier ou l'avant-dernier. Je sais pas non plus. Parce que je sais plus si on avait annoncé deux gros ou trois gros. Je sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'on va passer au mois d'avril. Oui. Qui va être probablement mon mois préféré. Qui a probablement été mon mois préféré, puisque on commence. Bon, Dirt Rally, machin, tout ça, on s'en fout. Quantum Break, qui a l'air vraiment pas mal. Oui, alors c'est là, je pense. Aventure, ça va être la grosse exclue. Ça va être la grosse exclue Xbox. Voilà, ça veut dire que les Gear of War, les Fab, ils vont pouvoir aller gentiment se rhabiller. Puisque là, Quantum Break, on est par le studio qui a fait Alan Wake. Max Payne aussi, il me semble, c'est aussi. Je sais pas. Il me semble que si, puisqu'il y a un petit clin d'œil à Max Payne dans Alan Wake, donc je crois que c'est les mêmes. Et voilà, c'est eux et ils font des jeux qui, voilà, qui tapent dans le mille à chaque fois, qui ont une puissance scénaristique juste ouf. Oui, et puis surtout, surtout, je ne sais pas si tu sais qui est l'acteur qui... c'est un acteur, en fait, qui va être le personnage de Quantum Break. Je m'en souviens plus, je sais que c'est... merde. Ça va être Sean Ashmore. Et je suis désolé, mais Sean Ashmore, et il y aura Dominique Monaghan aussi dans le jeu. Sean Ashmore, c'était juste un peu Bobby Drake alias Iceman dans les X-Men, quoi. Oui. Voilà, et à côté, il y aura Dominique Monaghan. Dominique Monaghan, pour ceux qui se souviennent, c'était Merry dans Lord of the Rings et Charlie dans Lost. Oui, donc là, on a un casting déjà sur deux personnes qui est très bon. Et moi, je vous invite à aller voir, parce qu'il y a pas mal de vidéos de gameplay, de trailers qui sont sortis déjà depuis un moment pour ce jeu. Et voilà, quoi. Il a l'air vraiment oufissime. Il a l'air vraiment, vraiment, vraiment oufissime. Ils ont dévoilé beaucoup d'aspects de gameplay qui a l'air vraiment très, très bon. Et honnêtement, le scénario, on peut s'attendre qu'il y a un petit bijou, parce que... Voilà, ceux qui ont fait les Max Payne, les Alan Wake, c'est les scénarios sont juste... Il n'y a pas de mots, quoi. Il n'y a pas de mots. Donc là, voilà, c'est... je l'avais oublié, celui-là. Et je pense que... ça va être un des jeux... C'est peut-être même le seul jeu qui pourrait me pousser à un achat futur. J'ai ma Xbox One, je suis content, quoi. Ça va probablement être un des jeux que je vais payer sur Xbox One. Ah bah, tu vas kiffer, tu m'en diras des nouvelles, mais voilà. Avec un autre jeu qui... Plus pour toi que pour moi. Tellement, tellement pour moi, tellement, tellement, tellement la perfection. C'est Dark Souls 3. Deux jours avant mon anniversaire, il y a Dark Souls 3 qui sort. J'ai rien à dire, ça va être Dark Souls 3. Je sais pas si. En fait, Dark Souls 3, c'est un jeu difficile. C'est un jeu, je sais pas si je vais y jouer ou pas en vrai. Tu sais pas si tu auras le courage de le faire d'une traite. Je sais pas si j'aurai le courage d'y jouer tout court, parce que, bon, on a eu, bien entendu, Bloodborne qui est sorti. Pour ceux qui suivent un peu, Dark Souls 1, Dark Souls 1, d'ailleurs, on a voilà, allez checker sur Mixcloud, on avait fait un épisode sur la saga Dark Souls. Oui. Dark Souls 1 était une purge absolue. Parce que il était mal optimisé, il se jouait mal, pour moi, c'était une horreur absolue à jouer. C'était injouable. C'est-à-dire que déjà que bien optimisé, c'est dur. Déjà que bien optimisé, c'est dur. Mais quand votre PC, quand vous jouez sur PC et que ça rame et que vous voyez que vous essayez de toucher un mec, mais tu sais pas comment tu tapes, il disparaît. Tu fais mais ta mère. Plus c'est un jeu qui joue beaucoup sur la frame. C'est un jeu qui se joue tellement, tellement sur la rapidité et l'exécution que quand ça se met à ramer, tu peux plus jouer. Et ça avait été une douleur pour moi. Et Dark Souls 2 avait été beaucoup plus sympa. Et j'avais appris que le producteur de Dark Souls, le premier, n'avait pas participé en fait au développement de Dark Souls 2. Parce que pendant qu'une équipe de... comment s'appelle ce studio déjà? Je l'ai sur le bout de la langue. From Software. Pendant qu'une équipe de From Software développait Dark Souls 2, lui était à côté en train de développer Bloodborne. Et c'est le producteur de Dark Souls, le papa, le créateur, qui a développé Bloodborne. Et on voit clairement que Bloodborne est beaucoup moins gentil que Dark Souls 2. Il a gardé ce côté sadique et bâtard. Et le mec est revenu en disant « Bon, écoutez les gars, on va faire un Dark Souls 3, mais c'est moi qui m'y colle. » Et le mec est quand même allé dire, il est quand même allé jusqu'à dire que tout dans le jeu serait fait pour te tuer. Tout. Et moi, ce que j'ai peur, c'est qu'il rentre dans la facilité, en fait, la facilité qu'il y avait dans le 1. Comme j'en parlais, dans le 1, il y a un château, je ne sais plus le nom du château, mais il y a un château où t'as des pièges mais débiles partout. Des pièges vraiment débiles, genre un couloir avec une dalle, tu peux pas ne pas marcher sur la dalle, et si tu ne cours pas, si tu fais pas des roulades au dernier moment, tu te fais empaler par des pics qui sortent des murs, et t'es mort, et tu recommences au tout début du château. Donc il faut s'attendre à un jeu extrêmement vicieux. Donc il faut s'attendre à un jeu extrêmement vicieux, et moi ça me fait peur, parce que c'est pas ce que j'ai envie de jouer. J'ai envie de jouer à un jeu qui est dur, effectivement, mais pas vicieux. Pas salaud au point de tout faire pour te tuer volontairement. Faut que ce soit un jeu, en fait, le problème dans les jeux à difficulté, c'est qu'il faut trouver le bon équilibre entre difficulté et skill. C'est-à-dire que, par exemple, dans Dark Souls 2, quand tu meurs, 90% du temps, c'est de ta faute. C'est toi qui as fait une connerie, t'as pas réagi sur un truc, ou t'as voulu te la péter, taper trop, et tu t'es mangé un coup et t'es mort, ou tu t'es fait enchaîner, ou tu vois, ce genre de truc. Mais si jamais, tu vas pas, genre, par exemple, avoir un PNJ... qui a l'air tout gentil, machin, qui est là, qui t'attend, tu lui parles, il dit, ah bah écoute, je te donne 50 millions d'âmes, voilà, haha, tu peux faire ce que tu veux, et dès le moment où tu commences à faire un pas, d'un coup tu meurs, tu perds toutes tes âmes, tu peux pas les récupérer. Ça c'est vicieux, ça c'est affreux, et j'ai peur qu'il tombe dans cette facilité là de se dire, tiens, là on va mettre un piège. Et ça va pas être drôle, tu vas mourir, ça va pas être drôle, et tu vas recommencer il y a 3 quarts d'heure, parce que t'auras pas eu le feu pendant 3 quarts d'heure, et tu vas crever, et nous on va se marrer, tu vois, c'est... J'ai peur que ça tombe là-dedans. Et ce serait un gros... Pour moi, s'ils font ça, c'est la mort de Dark Souls, quoi. Si jamais il se passe ça, c'est la mort de Dark Souls. Très clairement. Si jamais ils en arrivent à faire des trucs comme ça... Et ben on verra. On peut juste dire qu'on verra et que. C'est ça, on a encore 3-4 mois pour voir. Qu'est-ce qu'on a comme autre grosse sortie? Bah si, Ratchet & Clank. Oui, ça peut être un retour assez sympathique parce que c'est quand même une bonne licence. Voilà, c'était sympa. On va quand même peut-être pas s'attarder, ça fait déjà 3 quarts d'heure, c'est pour ça que j'essaie d'avoir. Ouais, on a Uncharted 4. Bon, Uncharted 4. Voilà. Uncharted, voilà. Moi je l'attends avec grande impatience, parce que c'est une des raisons pour laquelle j'avais acheté la PS4, enfin la PS3 pour ça, et donc du coup la PS4 aussi un peu, mais pour avoir accès aussi à autre chose, mais voilà, je l'attends de pied ferme parce qu'il a l'air quand même vachement bien. Total War, Warhammer. Bah c'est du Warhammer, hein. Bah c'est du Total War et du Warhammer en fait, donc voilà, Total War c'est une bonne licence, et avec les Warhammer ça peut être sympa. Et puis Star Fox Zero sur Wii U. Oui, le grand retour de Star Fox. C'est donc ça. Voilà, pour les détenteurs de Wii U ça peut être, c'est une bonne nouvelle, c'est le retour, voilà, pour les trois personnes au monde qui ont une Wii U, ça peut être sympa. Voilà, vous avez bien investi. Puis on va passer au mois de mai. Bah, là, on arrive en fait dans les mois où il n'y a plus grand chose à dire. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être faire une petite pause musique maintenant. Bah, je pense qu'on peut faire le mois de mai et après faire une pause musique. Parce qu'il n'y a que deux sorties. Il n'y a que deux sorties. Hein, donc, voilà. Deux bonnes sorties quand même. Battleborn, tout d'abord, développé par l'équipe à l'origine de Borderlands 2. Oui, bah c'est. C'est un FPS. Et voilà, voilà, il suffit de regarder. C'est du. C'est du Borderlands. Hein. C'est du Borderlands en multijoueur. Borderlands est en multijoueur. Oui, non, mais dans le sens où il n'y a pas d'histoire. C'est du. Voilà, c'est du. PVP MMO, pur. Quoi. Ouais, voilà, ça va être du PVP. Donc... Du PVP pur, qui est une réponse. Apparemment, voit... c'est un MOBA. Bah, c'est un MOBA. Et puis, c'est surtout un jeu qui fait. J'ai l'impression qu'il fait un peu réponse à ce que va sortir Blizzard. Oui, comment oui, ça s'appelle, ben c'est ça le. Oui, enfin, je vois de quoi. Outwatch ou un truc comme ça. Oui, voilà, machin, Blizzard, je m'en fous, j'aime pas Blizzard. Donc je pense que c'est une réponse. Et surtout, putain de merde. putain de bordel de merde. Mirror's Edge. Mirror's Edge. Hop. Oh, ah putain, Mirror's Edge. Ah, parce qu'on était frustrés d'en avoir qu'un, et puis là. Il nous annonce qu'il y en a un autre qui va sortir et il nous balance des petites. Voilà, les trailers, c'est constitué. Ils étaient constitués de quoi les trailers jusqu'à présent? C'était des. Les gens qui parlaient, qui bossaient. Et... Ah, c'est Overwatch. Oui, Overwatch, voilà. Tu vois bien qu'il y avait un truc avec Watch dedans. Mais pour Mirror's Edge, voilà, c'était les développeurs qui nous racontaient un petit peu le retour de la série, et on avait le droit à 2-3 petites images, 2-3 petites vidéos. Du jeu, et donc un léger aperçu du jeu, et voilà quoi. C'est ah bah ça va être fou, Ah bah vivement mai, quoi. Moi, je vais pas pouvoir y jouer. Parce que j'ai pas pu jouer au premier, parce que mal des transports. Oui. Mais j'ai le mal des transports aussi, mais j'ai la chance de pouvoir y jouer, enfin, mais pas en 3D. Hein. J'ai essayé de le faire en 3D, j'ai cru que j'allais me vomir dans la bouche. Mais là, clairement, ouais, il va être monstrueux, quoi. Ça, voilà, ça va être génial. Il va être monstrueux, et c'est vrai que Mirage, j'en attends. Mis à part des maps encore plus grandes, encore plus de possibilités de sauts et de chutes et de tout ce qu'on veut, on leur demande pas plus, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Bah, apparemment, ça va être l'histoire origine, l'origin story du jeu. Eh ben tant mieux. Après l'histoire, donc, je m'en fous. Ça peut être sympa, voilà. Moi je veux des gratte-ciel, je veux des jumps, je veux du parcours à n'en plus finir. Enfin voilà, c'est Mirror Edge. Putain. Oh. qu'est-ce qu'on a hâte. Du coup, vivement le mois de mai. Enfin, là du coup, on peut lancer une petite pause musique. Et ouais, là du coup, on va sortir une petite pause musique. Pause musique juste et parce que Mirror Edge. Voilà, juste parce que Mirror Edge et parce que voilà, pour vous laisser le temps de digérer quand même les annonces qu'on vient de vous faire. Et on voit déjà là, rien que sur jusqu'au mois de mai, on a quand même des très bonnes sorties. Oui, et ça continuera par la suite parce qu'il y a des gros jeux dont on a entendu parler, dont on n'a pas encore parlé justement. Voilà. Qui vont probablement sortir après juin, enfin après mai. Donc là, ça peut complètement partir en couille. Donc on vous laisse avec un peu de musique. Faites comme nous, allez changer de caleçon. Parce oui. Qu'on va en avoir besoin. Mettez des couches. Voilà, mettez les couches, on fait ça, on revient. Mettez-vous sur votre téléphone et asseyez-vous sur les chiottes. Enfin, voilà, c'est ça. Nous, on revient dans quelques minutes. À tout de suite, les gens. À toutes. Ah, la musique, c'était bien. Hein. Bah, ça fait toujours du bien. J'espère que vous avez pris de bonnes couches. Ah ouais, bah, il faut. Ah, mais de toute façon, il faut s'équiper parce qu'après, nous, on n'est pas responsable de ce qui vous arrive. Ah bah non, bah voilà, mais s'ils sont dessus... Ah bah après, c'est des grands, ils assument, hein. Attendez, moi, quand je me fais kicker dessus, j'assume, hein. Ah bah voilà. Bon, pas en public, par contre, parce que c'est plus compliqué, mais... Ouais, en public, c'est plus compliqué, mais on va directement passer au mois de juin. Au mois de juin. Oh, le mois de juin. Putain, quelle horreur. Mais voilà, mois de juin avec des grosses sorties pareilles. La sortie pareille, ils sortent de l'alpha, le Ark Survival Evolved. Oui. Voilà, c'est sympa, voilà, c'est des dinosaures, vous pouvez faire ce que vous voulez, on s'en fout. Surtout Doom. Doom. Qui peut être une bonne surprise comme une mauvaise surprise en fait. Ah, moi je pense, alors très sincèrement. Je vais me la péter 30 secondes, mais j'y ai joué. À Doom ? J'ai joué à Doom. Il y avait une bêta ouverte. Enfin, bêta. Je pense que c'est une bêta fermée parce que c'était sur invitation, mais en gros. C'était pas une bêta, c'était une alpha. Une alpha fermée qui était disponible seulement sur invitation. Et tu as été invité ? J'ai eu la plus grosse blague, c'est que j'ai été invité donc sur mon PC et sur ma Xbox One. Alors que tu n'avais pas demandé l'être. Si. si. Et j'ai pu y jouer un petit peu. C'est beau, c'est bien fait, ça se prend en main tellement facilement. Et on peut jouer de tout, c'est-à-dire que là, de nous, ce qu'on a pu jouer, on a pu jouer un peu avec du sniper, on a pu jouer un peu avec du gros bourrin, on a pu jouer en démon. C'est-à-dire que tu deviens un démon, quoi. C'était ouf. Alors, ce qui avait été mis en ligne, c'était seulement le mode multijoueur, malheureusement. Donc, t'avais que du PVP. Il n'y avait pas l'histoire. L'histoire n'avait pas été mise, voilà. Mais c'était du putain de lourd. C'était putain de génial. J'ai kiffé ma race. J'ai passé un week-end à y jouer. Et même sur ma config, qui est pourtant pas top, le jeu tournait super bien en 720p. Donc, ça va être du gros lourd. Et moi, j'attends qu'il sorte parce que, en plus, avec la vidéo qui avait été présentée à l'E3, comment ne pas être hypé ? On a eu quoi d'autre ? On a eu Dragon Quest Heroes 2 qui va sortir au Japon. Très très très sympa, surtout quand on se dit alors après il faut aimer. Moi c'est vrai que j'ai joué à Dragon Quest Heroes 1 un petit peu, puis il est sorti sur PC il y a pas longtemps. C'est marrant, c'est du Devil May Cry dans l'univers de Dragon Quest. C'est tout ce qu'il faut se dire. C'est juste okay. Voilà, c'est du Devil May Cry dans l'univers de Dragon Quest. T'as tes personnages, t'as ton épée, et puis tu tabasses ton bouton, tu t'en branles, tu tabasses ton bouton et puis ça tape et c'est tout. Voilà, y a pas à se faire chier. Y a quoi d'autre en grosse sortie? Ben y a pas grand chose en fait, parce que Minecraft. Voilà, t'as le Need for Speed du coup qui sort sur PC. Voilà. Y a le mystérieux quand même No Man's Sky. No Man's Sky, ouais, qui a l'air vraiment très bien, qui sort sur PC. Je sais pas ça, je pensais que c'était une exclusive PS4. Ouais, qui a l'air très bien, qui a l'air. Dont mais... on avait vu la vidéo de gameplay à l'E3, je crois. Oui, une vidéo de présentation, je sais plus. Enfin, ça avait l'air pas trop mal. Ça a l'air bien, ça a l'air vaste, ça a l'air beau. Tout en restant quand même vachement dans le caché, dans le mystère sur ce qu'il propose, sur quand même pas mal de trucs. Donc on peut pas dire que ce serait une bonne sortie ou une mauvaise sortie. C'est une sortie intéressante. C'est ça. Il y a Hellblade aussi qui me fait de l'œil, développé par Ninja Theory apparemment. Ninja Theory qui était le studio qui a fait... Alors ils ont fait le DMC. Le dernier DMC, Devil May Cry. Et ils ont fait Enslaved, Odyssey to the West. Pas trop mal. Ils ont fait quelques petits autres jeux, Heavenly Sword 2, Hellblade. Moi j'avais bien aimé le DMC. DMC, Devil May Cry, je l'avais trouvé très très très très très très très sympa. Donc du coup après je sais pas. Est-ce que celui-là, parce qu'apparemment c'est vraiment le même style de jeu. Enfin, si on regarde le plot, c'est une guerrière celte qui va en enfer. Voilà. C'est génial. Moi, ce que j'aime bien, c'est voir ce qui est marqué sur le truc. C'est marqué l'enfer en question n'est pas celui qu'on connaît, mais une manifestation de la maladie mentale de Senua, donc la guerrière. Elle souffre de psychose, une pathologie entraînant hallucination et illusion, mais aussi d'anxiété et de dépression. En tant que joueur, vous vivrez le véritable cauchemar de Senua à travers ses yeux. Come at me, quoi. Come at me, bro. C'est tellement un come at me, bro, quoi, celui-là. C'est, je l'attends tellement. Il y a Overwatch aussi, le fameux jeu de Blizzard dont on parlait, qui, oui. Ça va péter dans tous les sens. Il y a le Pokken Tournament. Alors ça... Ça sort sur Wii U, c'est déjà sorti en arcade, c'est un jeu de combat à la Street Fighter, à la Tekken, avec des Pokémon. Je suis désolé, j'ai 3 ans quand je dis ça, mais ça a l'air tellement bien. Ça a l'air tellement bien, et j'espère tellement qu'il sortira sur 3DS. J'espère tellement qu'il sortira sur 3DS, juste pour pouvoir y jouer, et surtout parce qu'il faut finir avec... Le meilleur, alors on pourrait vous parler de la fille du diable de Sherlock Holmes, on s'en fout. On pourrait vous parler du jeu de Valentino Rossi, on s'en fout. On pourrait vous parler de la dernière extension de World of Warcraft Legion, on s'en fout. Ricor, putain de Ricor. Ricor, moi c'est... Ricor, c'est ce jeu sur la petite gamine dans le désert... qui se baladait avec un chien, avec une boule lumineuse, tu sais, chien robot. Oui. Et elle se battait, et le chien mourait, et elle prenait la petite boule, et elle la mettait dans un gros robot, et tout ça, ça allait être trop génial. Je suis désolé, j'ai 3 ans, mais ça a l'air trop génial. Ça a juste l'air de tout déchirer, quoi. Et alors là, j'ai pas compris... Alors on va vous dire, on regarde en fait les trucs sur le site de Gameblog. Oui. C'est le seul à vous faire un truc. Alors est-ce que tu es en juin toujours? Tu es en juin 2016. Oui. D'accord. Toujours. Fais mois suivant. Alors le mois de juillet. Donc nous passons à juillet. Ah, toi t'es passé à juillet? Ah non, il y a août. Ah moi quand j'appuie sur mois suivant, ça me téléporte à décembre 2018. Attends, je fais mois suivant. Eh non, moi je suis sur juillet. Ah, t'as juillet, moi je l'ai pas, même dans la liste je l'ai pas. À savoir alors, que. Qu'est-ce qu'on par contre, juillet, ça chie quoi. Ah ouais. Juillet, ça passe à rien. Ah, que dalle ou... Ah ouais, juillet, non. Juillet. juillet, ah, effectivement, voilà. Ouais, voilà, juillet. Non, effectivement, c'est parce que c'est assez buggé en fait leur truc. C'est comme il n'y a pas de truc en juillet, ils mettent juste rien. Bah, du coup, on va passer à août. Avec août, un autre gros jeu. Que... Oui. Est-ce que vous avez fini, s'il vous plaît, messieurs les développeurs, avez-vous fini de sortir des jeux si bien? Parce que là, c'est juste plus possible. Faut arrêter, la merde. Parce que là, le... Deus Ex, Mankind Divide. Et boum! Et boum dans ton cul! Non, il y a tellement rien à dire. Il y a tellement rien à dire, il va être tellement parfait. Il y a rien à dire. Rien à dire. C'est... rien à dire. Le premier Deus Ex... Enfin, le premier. Le Deus Ex... Human Revolution... était tellement bien, tellement parfait. Ils vont encore faire mieux. Et ça va être déprimant. Ça va être tellement déprimant de voir à quel point ils se déchirent. Je pense que ça va être ça le plus intéressant, ça va être de voir à quel point il se déchire. Moi perso, j'ai pas mieux quoi. Il y a pas Nye. Voilà, je C'est clair que là, vu le premier qui était quand même bon, celui-là, s'il est pas bon, moi je mange mon chapeau, hein. Voilà, mange mon chapeau, oui. Ah bah là, oui, je mange mon chapeau, hein, rien à foutre. Non, mais oui, c'est voilà. C'est-à-dire que août, ils t'annoncent que ça, mais c'est déjà bien. Août, ils annoncent que ça, mais c'est déjà bien. Donc on peut passer en septembre. Donc on peut passer en septembre, mais même en septembre, il y a... Septembre, moi, je trouve ça un peu... Tristoun, hein. Ouais. Il y a du Namco Bandai, hein. Il y a du God Eater, il y a du God Eater 2, il y a Halo Wars 2. Mais je m'en fous d'Halo Wars. Je m'en fous. Non, bah septembre, c'est triste. Septembre, c'est un peu tristoun. Donc on peut passer en octobre. On peut passer en octobre. Alors octobre, ce jeu me fait... Ils ont pas osé, putain. Si, mais alors en fait, et c'est là que je pense que ça peut être intéressant, mais comme ça peut être merdique, parce que quand on voit, voilà, ce qui se passe, c'est qu'en septembre, du coup, en octobre, est prévu vendredi 13 le jeu vidéo. Déjà, juste l'appellation comme ça, tu... Parce que... moi j'ai pensé que ce serait un jeu tiré d'un nouveau film. J'étais en train de me dire, ah, un nouveau film vendredi 13, ça peut être pas trop mal. Vu comment ils avaient foiré le dernier, en faire un tout nouveau encore, ça pourrait être intéressant quoi. Mais non. Et en fait, je lis que. Enfin, je vous lis littéralement ce que j'ai devant les yeux. Le titre est décrit comme un jeu asymétrique dans lequel un groupe de survivants devra faire preuve de ressources face à l'immortel taré à la machette. Dans la veine d'un certain Evolve, on dirait bien. Et moi, c'est cette partie-là qui me fait peur. C'est cette partie-là qui me fait peur parce que... Soyons d'accord. Quoique, attends, je suis en train de me dire, je viens de me taper un fou rire, mais il me semble qu'il n'y a pas longtemps, j'ai vu un trailer gameplay. Mais soyons honnêtes. Qui joue à Evolve en 2015? Bah, sachant que déjà là dernièrement Micromania a lancé des promos et que le jeu était à 7€. Voilà, c'est pour vous dire, sur Steam il était à 10€, les gars. Donc sur je Steam, pense la que. La version avec tous les DLC était à 10€. Le jeu est sorti depuis même pas un an. Ça pue pour un jeu comme ça pue, mais tellement fort. Ça pue tellement fort. Il y a eu un engouement à la sortie qui, et en fait ça a fait un effet pétard mouillé quoi. Bah c'est ça parce que moi j'avais fait la bêta pareil. Je fais un tas de bêta. J'avais fait la bêta de Evolve et j'ai dit ça peut être sympa. Mais le jeu était déjà super mal optimisé. Ça laguait, ça ramait dans tous les sens. Et le fait de toujours devoir être en équipe pour y jouer, moi j'aime pas ça. Ah bah c'est un jeu qui se veut uniquement multijoueur. Voilà, c'est ça, c'est un jeu qui se veut uniquement multijoueur et moi les jeux uniquement multijoueurs, j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout, je ne supporte pas ça, ça m'énerve à un point monstrueux. Ne serait-ce que enfin, c'est con, mais il y a des jeux qui se veulent uniquement multijoueur et que tu peux jouer en solo. World of Warcraft, tu vas en chier en solo. Tu vas t'emmerder, mais tu peux le faire. Tu peux avoir ton niveau 100 même si tu dois grinder pendant 15 ans sur des mobs, que tu vas tuer deux mobs, mourir, revenir, tuer deux mobs, mourir, revenir, tu peux le faire. C'est pas drôle, mais tu peux le faire. Payday 2, moi je vois ça parce que j'y joue encore, j'y jouais tout le week-end et j'y joue encore hier. Payday 2 à plusieurs, c'est God tier. Déjà, Payday 2, c'est God tier, mais Payday 2 à plusieurs, c'est God tier. Payday 2 tout seul, ça se passe quoi. Ouais, j'avais besoin de gagner deux niveaux parce qu'il fallait que j'atteigne mon niveau 100 pour un petit boulot que je dois faire. Je dis ça maintenant, mais que je vais streamer ce week-end, donc qui sera streamé début janvier pour vous. mais il fallait que j'atteigne mon niveau 100 et que je passe pas mon infamie 2. Je l'ai fait tout seul, ça m'a pris 2 heures. 2 heures pour gagner deux niveaux quoi. Et parce que j'ai fait 5 ou 6 contrats quoi. Et c'était pas facile mais c'était faisable. Et j'ai kiffé. Et voilà, c'est là par exemple, voilà, j'ai besoin de gagner 2 niveaux parce que ce week-end, j'avais pas envie d'imposer à mes potes de jouer 2 ou 3 heures pour moi gagner 2 niveaux. Et donc perdre 2 ou 3 heures sur le truc qu'on doit faire parce que comme c'est un truc qui est difficile, on va avoir besoin des 2 ou 3 heures. Donc ça me permettait de gagner 2 ou 3 heures pour pas faire chier mes potes le week-end, tu vois. Et ce que je me dis, c'est que des jeux comme ça, comme Vendredi 13, comme Evolve, c'est des jeux, t'es obligé de faire chier tes potes, ou t'es obligé de jouer avec des inconnus, mais si tu joues avec des inconnus, tu peux rien prévoir. Parce que, quand tu joues avec tes potes, tu vas jouer sur TS, ou sur Skype, ou sur Mumble, ou ce genre de conneries. Tu vas être là, genre par exemple, tu te balades, ah je viens de voir le monstre, partez à droite, moi je pars à gauche, on va essayer de le choper, des trucs comme ça. Alors que quand tu joues avec des inconnus, déjà la communication est un peu plus difficile. Et si ça se trouve, ça peut faire l'effet, Call of Duty. Alors je sais plus dans quel Call of Duty il y avait eu ça, mais c'était à la sortie de la Xbox One. Je n'ai jamais autant ri de ma vie. En fait, c'était un mec qui allait troller des joueurs sur Call of. Tout simplement en mettant en username Xbox One Logoff. C'était Xbox Logoff. Ce qui veut dire Xbox déconnecte-toi. D'accord ? Ouais. Donc en fait, le mec, il enregistrait le son de sa Xbox, il streamait ça. C'était juste parfait. C'est-à-dire que. Il allait faire chier des joueurs, du genre par exemple, les mecs voulaient, il y avait genre une caisse qui tombait, il était devant la caisse, il ramassait tout, et puis il restait debout, comme ça. Et il attendait que les autres joueurs l'insultent. Et donc du coup, t'avais les mecs qui faisaient « Xbox, log off, you fucking… » Et ça coupait. Parce que du coup, les mecs, ils coupaient leur Xbox, quoi. Donc pour moi, le jeu en ligne avec des inconnus, c'est ça. C'est des mecs qui viennent te troller. C'est, tu vois tellement de conneries. Je vais vous donner un nom. Enfin, pour ceux qui connaissent, Bibix. C'est un mec qui faisait des parties sur Call of ou Medal of Honor ou ma bite, peu importe, on s'en fout. Et qui voilà, il trollait les gens. Et c'était tout. C'était rigolo. Il trollait les gens. Et quand je vois ça, moi, ça me donne pas envie de jouer à des jeux vidéo avec des inconnus. Voilà, ou alors faut tomber sur les bons inconnus, quoi. Ou alors faut tomber sur les bons inconnus. Mais du coup, on n'a pas parlé du dernier jeu, Yooka-Laylee. Jeu de plateforme des anciens de Rare. qui avait réalisé Banjo et Kazooie, donc ça peut être du très très bon. Ça peut être une bonne surprise. Ça, apparemment, ce sera un nouveau Banjo et Kazooie, tout comme Mighty No. 9 est un nouveau. Comment est-ce qu'il s'appelle ? Putain, sa mère. Ça va trop venir, t'inquiète pas. Le jeu de Capcom, on en a parlé tout à l'heure. Amplitude ? Non ! Mighty No. 9. Ah oui, Megaman. Voilà, nouveau Megaman. merci. Non, Yooka-Laylee, en fait, ce serait juste un nouveau Banjo-Kazooie. Moi, je dis oui. Je dis oui. C'était, en plus, c'était un projet Kickstarter. Ouais, les projets Kickstarter, il y en a de plus en plus, et la plupart sont pas trop à chier. Hein. Alors, il y en a des bons, et effectivement, moi, comme j'entendais ça l'autre jour, il y en a beaucoup qui font des projets Kickstarter, et puis d'un coup, ils disparaissent. Et l'argent disparaît. Donc, toujours se méfier des projets Kickstarter. Voilà, toujours se méfier. Bon, là, c'est des anciens de Rare, donc du coup, je doute que les mecs, quand même, soient des bâtards. Bah, c'est vrai que les Kickstarter sur de l'indé, sur des mecs qu'on n'a jamais entendu parler, c'est un investissement à risque. Voilà, c'est ça. C'est un investissement à risque parce que t'es pas à l'abri que soit le truc fonctionne pas et dans ce cas tu l'as dans l'os, soit effectivement soit le mec les mecs. Soit un bâtard. Voilà, disparaissent dans la nature et puis reviennent avec un nouveau nom, un nouveau projet et puis tu retombes dans le piège quoi. Voilà. Et puis bah on va quand même terminer l'émission assez rapidement. Parce que novembre, oh là, il y a. Oh, là, oh non, on va pas la terminer rapidement, j'ai rien dit. Donc, au mois de novembre, bon, bah, il y a RuneScape, voilà, hein, le nouveau, comment ça s'appelle, le jeu de Blizzard, là, de cartes, c'est son jeu de cartes. Oui. Je sais plus comment il s'appelle. Le jeu de merde. Magic là, non, de Blizzard. Ah, Hearthstone. Hearthstone, voilà, ça va être le nouveau Hearthstone. De toute façon, tout le monde s'est lancé dans la mode des cartes là dernièrement. Bah oui, alors bah que écoute. Hearthstone a marché, tout le monde a fait. Eh, mais au fait, moi ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire un jeu de cartes. Non, juste ferme ta gueule. T'as vu que Hearthstone ça marche, t'essayes de faire pareil, ça marche pas, nique ta mère. Voilà. non mais voilà, hein, il faut être honnête. Par contre, dis donc que décembre, bah oui, mais en fait le truc c'est que ça, en décembre on a tous les jeux. En fait, en décembre, on a tous les jeux qui sont annoncés pour 2016. Bah, c'est pour ça que je disais, en fait, on va pas finir rapidement. Mais alors donc, d'une merde. On va résumer très rapidement parce qu'il y a tellement de trucs que ça va pas être possible sinon. Ça y est, je viens de faire la page. dans les gros jeux, on a un jeu Attack on Titan sur PlayStation, un jeu exclusif. On a Alison Rose aussi. Alison Rose, ça me dit rien du tout. C'est quoi ça? C'est un jeu d'horreur qui se passe dans une maison. D'accord, sur PC. Voilà, il y a déjà l'alpha ou la bêta qui est sortie, on peut voir des vidéos sur internet et ça a l'air d'être de 1 très beau et de 2 caca pantalon, mais genre d'une violence. Donc ouais, jeu PC, enfin pas PC du coup, puisqu'il a aussi été annoncé en PlayStation VR. Oui. Attends, parce que moi je lis des trucs qui puent. Ah non, c'est parce que c'est un partenariat, d'accord. Parce que le titre de l'article, c'était « Alison Road annule sa campagne Kickstarter ». J'étais en train de me dire quoi ? Non, parce qu'ils ont fait un partenariat. Ils ont eu un partenariat, voilà. Bah, il y a eu quand même un super gros engouement sur Alison Road. Hein. Oui. Après la publication de joueurs gaming sur YouTube, enfin de YouTubers gaming sur YouTube, il y a eu un très très gros engouement parce que effectivement il a l'air de 1 très beau et de 2 ouais très très bien très très flippant. Ça va être un bon jeu d'horreur avec une bonne histoire parallèle, donc voilà, effectivement ça peut être une très bonne sortie. Ils en parlent comme l'héritier spirituel de Pity, donc le nouveau Silent Hills qui s'est pas fait. Oui, c'est ça. Bah, c'est ça, c'est de là que vient l'engouement, parce qu'effectivement, on retrouve un petit peu la même patte visuelle, c'est-à-dire très beaux éclairages, très belles textures et une ambiance assez bien flippante. Et donc, du coup, c'est l'engouement qui a fait naître le truc, puisque effectivement, voilà, il y a une espèce d'héritage spirituel en fait entre ces deux jeux. C'est ça. Moi, je pensais que du coup, c'était comment il s'appelle le mec qui bossait avec Kojima sur Del Toro, non. Guillermo Del Toro. Je pensais que c'était lui qui allait bosser là-dessus. Non, je non, disais, c'est, bah, c'est au départ, fait. C'est voilà, c'est un projet indé qui vient de, enfin celui qui a lancé le projet. Il y a plusieurs personnes dessus, mais celui qui a lancé le truc expliquait qu'il était énormément frustré en fait de l'annulation de. Et puis il s'est décidé de faire son propre jeu. Il a raison. Et voilà, il a dit bah puisque c'est comme ça, bah je vais reprendre voilà, je vais reprendre un truc avec cette même atmosphère, cette même idée de peur qui était balancée dans Pity et voilà et je pense que ça va être une bonne surprise. Voilà. On a aussi bon bah il y a donc je vous disais hein, le Attack on Titan sur PlayStation tiré du manga animé tout ça m'habite. Un nouveau Baldur's Gate. Oui, alors, ça peut faire plaisir à pas mal de monde. Est-ce que ça serait pas un nouveau DLC? Si jeu extension, voilà. Bah, ouais, c'est, oui, c'est peut-être une extension. C'est une extension pour le Baldur's Gate Enhanced Edition. Ça peut être pas trop mal, mais c'est une nouvelle extension. Donc du coup, bah, ça peut être du lourd. On a quoi d'autre? On a bah, le Batman de Telltale. Les Batman de Telltale. Enfin, le Battlefield 5. Le Battlefield 5, Battlecry aussi de Bethesda. Exactement. On a après on connaît pas tout hein. Là il y a alors Blind, je regarde mais Blind il me semble que c'est un jeu d'horreur. Je regarde très rapidement jeu réalité virtuelle dans lequel voilà. On incarne une jeune fille aveugle. Voilà, et il y a une vidéo donc sur YouTube et en fait en gros on peut lancer des petits cailloux, des petits objets ou taper sur des ce qu'on est aveugle en fait et avec le son en fait, on voit le décor se dessiner. Et donc en gros, on est pour. C'est pas le jeu auquel Seb a joué sur la. Je crois que c'est ça. Attendez, je vais vérifier. C'est possible parce qu'on ça commence, on arrive dans la chambre du mari qui dort, on rentre dans le placard et on t'arrête dans un cimetière. Attendez, je vais vérifier parce que je sais que non, c'était Beyond quelque chose. Alors, attendez, je retrouve la chaîne Bazar du grenier. Je vais vous dire ça parce qu'effectivement, il y a un autre jeu comme ça qui est sorti auquel Seb du joueur du grenier a joué. Que j'avais vu que bon pas trop c'est pas trop mon kiff mais ça peut être pas trop mal. Désolé, j'ai 3 millions d'abonnements YouTube hein, il faudrait un jour que je fasse le tri là-dedans. C'était ah oh, putain, bien entendu il apparaît pas. La vidéo n'apparaît pas dans les jeux. Non, c'était Beyond Eyes, voilà, c'est une petite fille aveugle et qui se repérait grâce au son. Bah, ça doit être la même idée, hein, c'est le même c'est esprit. La, hein. C'est la même idée, hein, c'est clairement la même idée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a. Crackdown 3. Crackdown 3, oui, c'est un jeu de course, je crois. C'est ça? Non, jeu c'est. D'action. On... Jeu d'action, voilà. Jeu d'action, les deux premiers, on incarnait un super justicier, en fait. Oui, et on ça. Développait nos capacités, on pouvait faire des jumps de fou, taper comme des gros porcs. Enfin, voilà, on était le super flic dans une ville, en fait. Voilà, il y a aussi Cuphead. Cuphead, oui. Espèce de jeu dessin animé des années 30-40 là. Je sais pas oui. Si tu t'en souviens qui PC Xbox One, voilà, moi je vais y jouer obligé. Le Day of the Tentacle Remastered sur PC. Voilà. Du boobs. Il y a du boobs avec Dead or Alive Extreme 3. Fortune voilà. Et Vénus, beaucoup de boobs et encore même, plus de vêtements légers si... qui se déchirent. Mais eh ben non, parce que justement les créateurs ont décidé que allez vous faire foutre. Ça ne sera pas comme ça. Les bâtards, bah, pour la peine, on boycotte, on n'achète pas. Voilà, on a aussi deux Dragon Quest. Dragon oui. Quest 10 et 11 qui sortiront. Alors, je ne sais pas trop à quoi ça ressemblait. Ils sortiront donc au Japon. Il y a Dissidia Final Fantasy aussi. Alors moi, ce que je vois, c'est surtout le plus intéressant. C'est que c'est donc en développement sur PS4. Alors, le Dragon Quest X sortira sur Wii, PC, PS4, Wii U, 3DS. Ouais. Apparemment, il est déjà sorti depuis longtemps sur des trucs comme ça. De ce que je comprends, envisagerait de sortir Dragon Quest X en Occident. Donc, ouais, apparemment, il est déjà sorti. De ce que je comprends, hein. Je peux me tromper. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il sort sur Wii, PC, PS4, Wii U, 3DS. Donc moi, c'est le côté Wii qui me fait penser que c'est un jeu qui est déjà sorti. Je sais pas. Dragon Quest 11, lui, sortira sur PS4, 3DS et la NX. Il sortira sur NX. Est-ce que tu sais ce qu'est la NX ? Non du tout. C'est la future console de Nintendo. D'accord. C'est en fait c'est un nom de code pour l'instant, c'est juste un nom de code, mais c'est la NX, c'est la future console de Nintendo qui apparemment serait un truc de fou puisque dans ce qui a été breveté et de ce qu'on connaît parce que Nintendo a très peu communiqué sur sa NX, ce serait une console autant de salon que portable. Oh. C'est-à-dire que tu pourrais la brancher sur ta console pour jouer sur ta télé pour jouer sur ta télé. Mais tu pourrais aussi, hop, mettre des piles et l'emporter avec toi. Des piles. Ou une batterie, ou je sais pas. Des piles, et encore des trucs qui fonctionnent avec des piles. La manette de Xbox One fonctionne à la pile, ma gueule. T'as deux piles à LR6 pour faire fonctionner ta manette de Xbox One c'est en Wi-Fi, Bluetooth, quoi. Putain, donc, j'ai envie de dire, ferme ta gueule. Voilà, donc là on est dans les gros jeux. Il y a Dreams aussi sur PS4 qui a l'air pas mal. Oui. Edge of Eternity, classique. Hein, voilà, c'est un jeu qui apparemment sortirait uniquement sur Steam, PS4, PS1, PS4, Xbox One et Mac. Non, sur PC, il serait uniquement sur Steam. Apparemment, ce serait un hommage au JRPG. Ce serait un jeu hommage au JRPG. Donc à suivre parce que bah, les JRPG quoi, hein, faut être honnête. Voilà. Faut être honnête, hein, les JRPG. Cela fait. on a quoi d'autre? On a le Fable Legends. Même si j'aime pas Fable, le Fable Legends, je crois que c'est pour le coup c'est un truc en multijoueur. C'est ça, bah ça aura rien à voir avec les anciens Fables. Ça aura rien à voir avec les anciens Fables. Déjà que j'aime pas les Fables, alors là ça me donne absolument pas envie d'y jouer. Mais là du coup, ouais, non, c'est. C'est une espèce de vieille ritournelle qu'ils nous font, donc coupure avec les anciens fables, et voilà, orienté sur du multijoueur. Grosse déception, moi, quand j'ai vu l'annonce, je m'attendais à quelque chose dans la continuité de ce qui avait été fait, et en fait, non. Voilà, c'est donc, ça. C'est moi, pareil, je suis un peu déçu. J'aime pas Fable, donc ça m'a pas... touché plus que ça. Voilà, c'est ça. On a quoi d'autre? Bah, une autre grosse sortie que moi, j'attends à fond. Final Fantasy XV. Oui. Et juste en dessous, s'il y a quelque chose de bien. Fire Emblem, hein. Ouais. J'ai jamais joué au Fire Emblem, donc je peux pas dire. Moi, on m'en a dit beaucoup de bien. Je pense que pour les détenteurs 3DS, c'est une bonne nouvelle. Oui, voilà, c'est ça. Gears of War 4. Grosse sortie, même si on n'aime pas. Hein. Moi, j'aime pas. J'aime pas du tout Gears of War. Mais ça peut être bien. Avec le Get Even aussi. Get Even, apparemment un gros FPS qui sortira sur PC, Xbox One, PS4. Oui. Ça peut être sympa. Un nouveau Gastricon, bon voilà, on vous l'a fait. Qui a l'air pas mal aussi, de du peu que j'ai vu, ça a l'air d'être quelque chose aussi de oui, sympa. Voilà, c'est celui qui ressemblait beaucoup au Just Cause, c'est ça? Où c'est tu ça. Commençais la vidéo en sautant en parachute et tout ça. C'est ça. Bon voilà, moi ça me. Voilà. Un God of War 4. Un God of War 4, alors est-ce qu'il sera aussi bien que les anciens? À voir, toujours une exclue PlayStation. Toujours une exclue PlayStation, apparemment ce serait toujours Kratos. Donc à voir, est-ce que ce sera bien? Ce sera une surprise. Pour les amateurs de voitures, il y a aussi du Gran Turismo Sport. Oui, voilà, c'est ça. Golem, oui. Qui sera un jeu en VR, en virtual reality. Horizon Zero Dawn. Alors ça me dit rien du tout. C'est le truc qui se passe, tu sais, avec la meuf qui chasse des dinosaures mécaniques. Ah oui, le fameux truc, ouais, bon. L'indé qui a une gueule de triple A. Ouais. Donc lui qui peut être aussi bien. Il y a le Homefront aussi dans les grosses sorties. Oui, enfin, malgré le fait que les autres Homefront aient quand même fait des bides. Hein. Voilà, oui. Il y a un nouveau Kingdom Hearts, pas Kingdom Hearts 3, mais Kingdom Hearts 2.8. Prologue voilà. Du dernier chapitre. C'est histoire de bien te faire rager, tu sais, tiens. Mais apparemment, ce serait une version HD en fait de Kingdom Hearts Dear's Drop Distance, Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep, et les cinématiques de Kingdom Hearts Chi. Alors, j'ai pas la suite, c'est peut-être Child of quelque chose, je sais pas. Mais en gros, c'est un préquel. C'est tout ce qui est sorti sur mobile et tout, sur console portable, etc., qui ressortira sur PS4, donc ça peut être pas trop mal. Bah, Mafia 3. Alors lui, voilà. C'est vrai que je l'avais oublié, mais alors Mafia 3, hein. Alors moi, j'ai jamais joué aux Mafia, donc ça me dit rien du tout. Ah bah les Mafia. Je pense que ce qui fait un peu peur, c'est celui qui est juste en dessous. Oui. Le Mass Effect Andromeda. Celui-là, on l'attend en serrant les fesses quand même. Hein. Début de la nouvelle trilogie Mass Effect. Voilà. Début de la nouvelle trilogie Mass Effect. Il n'y a rien à dire de plus. Mis à part que, on ne sait pas. Mis à part que, voilà, on ne sait pas. Alors, je vois un truc Minions War. Je clique dessus, mais. Non, ça n'a rien à voir avec les mignons dans. Non, ça n'a rien à voir avec les mignons. Kickstarter français pour un jeu inspiré de Patapon. Ok, d'accord, très bien. Action RPG stratégie. D'accord, qui sortira sur PC et Mac. Très bien. J'ai cru que c'était un jeu pour mignons, j'allais péter un câble. On a quoi? On a les trucs Nioh, Ni no Kuni, machin, tout ça, jeu action aventure. Voilà, Overkill, One Piece Burning Blood, Overkill The Walking Dead. Alors, Overkill The Walking Dead, je vais prendre 30 secondes pour en parler. Ça va être un jeu, donc Overkill, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont les développeurs de Payday et Payday 2. C'est développeur des jeux Payday. Et donc apparemment, ce serait un jeu infiltration RPG, donc comme Payday 2, dans l'univers de The Walking Dead. Ça a été annoncé il y a plus d'un an déjà. Donc là, je suis pas très choqué de le voir annoncé en 2016. Personnellement, c'est pas un jeu que je vais faire. Ça m'intéresse pas. On peut parler rapidement du Pathfinder Online. Hein, voilà, c'est Pathfinder en online. Next. Pokémon Go. On a le. Pokémon Go, moi, il m'intéresse. Parce que. Pokémon à voir ce que ça donne. Ça va être un truc tout con, réalité augmentée. C'est-à-dire qu'en fait, tout va se faire avec ton téléphone portable, ou ton iPod, ou ton iPad. Ça va être vraiment sur les plateformes smartphone. Donc Android et iOS. Hein, les détenteurs de Windows Phone, allez vous faire foutre. Puisque Windows Phone, ce n'est pas un téléphone. C'en est un, mais c'est de la merde. D'accord. En fait, ce sera dans certaines régions du monde, enfin partout dans le monde, mais ce sera fait par région principalement. Vous pourrez avec votre téléphone capturer des Pokémon et ça va être une espèce de voilà. C'est un peu pour inciter les gens à sortir, je trouve. C'est ça. À savoir qu'en France, on a le droit qu'à Roku et Ratata. Voilà, ça va être vite fait le tour. Non, c'est pas vrai, mais voilà, ça va être, moi je trouve ça marrant. Qu'est-ce qu'on a? On a Project Phoenix, hein, sur les consoles PlayStation, hein, PS4, PS Vita, JRPG encore une fois, en STR, donc stratégie temps réel. Donc il y aura des musiques, apparemment le célèbre Nobuo Uematsu. Oh! Voilà, le papa des musiques de tous les FF du 1 au 10. Juste un petit personnage, hein. Ça sera une petite musique, personne connaît. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, si, un gros sortie. J'espère qu'il sortira cette année. Psychonauts 2. Le retour de Psychonauts. Le retour, le premier était tellement bien. Je suis dégoûté quand même qu'ils aient eu à faire un Kickstarter pour ça. Obligé de faire un Kickstarter pour un Psychonauts, je trouve ça un peu. Bah, parce que c'est des jeux qui ressortent longtemps après et qui du coup. Les ressources ont peut-être été dépensées ailleurs ou autrement et du coup ils pensaient pas à revenir spécialement à ce moment-là. Bah non, c'est juste qu'ils n'ont pas eu le financement pour le faire. C'est tout. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils n'ont pas eu. Ils sont allés voir les éditeurs n'étaient pas chauds pour faire ça, donc voilà. Alors moi je vois un truc push me pull you. c'est comme la bonne blague. La description du jeu étrange qui donne envie. Voilà, merci beaucoup Gameblog, nous revenons vers vous pour des infos supplémentaires dans quelques minutes. Si je vois ce que c'est. Moi je vois pas, ça me dit rien du tout. Ici en fait c'est de l'arcade multijoueur. Ouais. Ouais. Eh ben écoute. C'est en gros, tu contrôles des personnages nus qui peuvent se tirer tout leur long. Enfin, c'est. Ouais, non, c'est très. Effectivement, c'est Space. Je crois que si j'avais rien entendu, on va passer à la suite avec bon, la sortie de Rise of the Tomb Raider sur PS4. Oui, Resident Evil, Umbrella Corp aussi, Resident Evil. Umbrella Corp, ouais, sur PS4. La sortie PS4 Xbox One de Resident Evil 6, dont tout le monde s'en branle. Du rock band en réalité virtuelle. En réalité virtuelle, voilà, tout ça. Voilà, on s'en fout. Scalebound. Scalebound, qui, d'après ce qu'on a vu à l'E3, était un très très bon jeu. Jeu d'action. Qui sortira sur Xbox One seulement. Encore une exclue. Il me semble que c'était très beau. C'était très très très très très très beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a bon les Sniper Ghost Warrior. ça me fait tellement peur. Ils auraient déjà dû s'arrêter au précédent. Ils auraient déjà jamais dû commencer. déjà. Un truc qui moi m'intéresse. Et ça vraiment je le dis sans troller, c'est le System Shock 3. C'est pas les mecs qui ont fait BioShock qui sont derrière ça? Si. Parce que le mec qui a fait BioShock a fait System Shock 2, qui était voilà. Un vrai bijou. Et là, il part sur System Shock 3 et là, tu fais oui, oui, vas-y, viens, viens, viens, viens à moi, je t'attends. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a bon des Tap My Katamari hein, sur mobile. On a encore du Banner Saga. On a encore du Banner Saga, bien entendu. Du King of Fighters. King of Fighters 14, qui sortira sur PS4. The Last Guardian, voilà, sur PS4. C'est prévu pour le quatrième trimestre de 2016, mais bon, s'il sort en 2080, on s'inquiètera pas. The Legend of Zelda Wii U. Et alors, en fait, ce qu'ils appellent The Legend of Zelda Wii U, c'est le nouveau Zelda, dont on n'a pas d'infos. Et que tout le monde attend toujours. On s'attendait à avoir des infos à l'E3. On les attendait tellement. Et au final, ils ont dit, bah non, bah allez vous faire foutre. Voilà. Ok. Voilà, c'est tout pour le moment. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, il y a un truc, The London Heist. Titre d'action en réalité virtuelle. Bon, d'accord. Ah, je me suis dit putain, ça a l'air trop bien, et en fait non, ça a l'air d'être de la merde. Le piège aussi avec Ultimate Rush of Blood, qui sera une espèce de parc d'attraction autour de l'univers de Ultimate, mais en réalité virtuelle. Voilà, hein, non, ça va être c'est un DLC hein, pour Ultimate, mais en réalité virtuelle. Ça va être trop bien, ouais. Et puis bah et après bah voilà, il y a pas. Si The Technomancer. The Technomancer, un RPG SF qui sortira sur PC, Xbox One, PS4. Putain, c'est beau et ça a l'air bien. Et puis, bien entendu, le jeu que tout le monde attend le plus au monde. Tu sens arriver la blague? World of Final Fantasy. Ça va. Comment ça? Attends, j'entends quoi? Qu'est-ce que tu dis? Personne n'attend, tout le monde s'en branle. Ah oui, on est d'accord. Ouais, moi je pensais plus au jeu d'en bas qui est limite plus attendu. Hein. Yesterday Origin. Non, World of Tank. T'es con. Non, on va enfin pouvoir y jouer sur PS4, alléluia. Ouais, on va jouer à des tanks. Tout le monde s'en branle. Faut aller voir Alex Click jouer à World of Tank. Bien entendu, sur Gaming Live, tous les midis. Ouais. Il fait des tanks, il fait brrr, brrr, brrr, brrr. Non, par contre, il y a un jeu qu'on n'a pas vu. Non, je sais ce que tu vas dire. Mais il sortira pas en 2016, faut pas y croire. Tu penses à quoi? FF7 Remake. Non. Ah, vas-y, je t'écoute. Cyberpunk 2000, je sais plus combien. Cyberpunk 2077, bien oui. Entendu. Alors ça, c'est mort pour 2016. Parce que, en fait, ce qui s'est passé... Alors déjà, Cyberpunk, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez joué à Shadowrun? Non? Dégage. C'est du Cyberpunk. C'est... Le Cyberpunk, c'est pas fait, c'est parfait, de toute façon, faut être honnête. Mais c'est du Cyberpunk, donc dans l'univers du jeu de rôle Cyberpunk 2077, qui sera développé et édité par... J'ai oublié le nom, en fait, j'attends que tu le sortes. C'est pas ceux qui ont fait The Witcher, par hasard? Si! Mais j'ai oublié le nom! C'est... Putain, faut que je trouve la boîte, c'est forcément. Merde. Je l'ai dans ma wishlist Steam. Witcher 3, visitez la page du magasin. Ah putain. J'essaie de le faire sortir. Red quelque chose. Project Red. Voilà, putain, c'est ça. On est vraiment trop c'est con, des Project hein. Red. Et je l'ai même pas. En fait, je l'ai même pas vu. J'avais le Red. Et j'étais en train de me dire putain, qu'est-ce que c'est. C'est des Project Red. Et en fait, ce qui s'est passé, parce que plein de monde l'attend, ce Cyberpunk 2077, ça va être. J'ai rien à dire, ça va être parfait, les gars. C'est des Project Red. Ça va être parfait. Mais en fait, les mecs, ils se sont dit on va développer ce jeu-là en même temps que The Witcher 3. Ils ont commencé à bosser sur les deux. Et en fait, ils se sont rendu compte que non, on a besoin de bosser vraiment à fond pour Witcher 3. Donc, ce qu'on fait, c'est comme ils ont besoin de bosser à fond pour Cyberpunk. Ben, en fait, le truc, c'est qu'ils se sont dit on va mettre Cyberpunk de côté avant que tous les DLC de Witcher 3 soient sortis. Et une fois que tous les DLC, enfin, ils nous ont dit une fois que The Witcher 3 sera sorti, vous inquiétez pas, on vous donne des nouvelles de Cyberpunk 2077. Et là tu fais ouais, The Witcher 3 est sorti, on a, ça va faire bientôt un an, hein, sois d'accord, on a toujours pas de news de Cyberpunk 2077. Et en fait c'est parce qu'ils ont dit on attend que tous les DLC soient sortis pour vous donner vraiment du contenu, pas juste dire on recommence à bosser dessus. Mais déjà de ce qui est sorti de ce Cyberpunk. Voilà. Il y a rien à dire, il va être parfait. Et puis développé par CD Projekt Red, les gars. Les mecs qui ont fait The Witcher. On va vous faire, promis, on va vous faire un épisode sur The Witcher 3. Ouais. Peut-être à la fin de l'année, peut-être en juin. Peut-être qu'il sortira en juin, mais on va vous le faire. Parce qu'on leur doit du respect. Parce qu'il y a du respect. Il faut faire ça bien. Voilà, on veut faire ça bien, on veut pas faire ça avant que. Eux, ils ont fait leur jeu bien en nous respectant, on veut faire une chronique bien en les respectant. C'est ça. Les autres, merde. Mais eux, oui. C'est ça, moi je m'en fous. J'ai parlé de Dark Souls 1 sans l'avoir fini, j'en ai rien à battre. On va pouvoir parler, on va vous faire un épisode sur Pokémon, promis. On va vous parler des Pokémon. Même s'il y en a un ou deux que j'ai pas fini, rien à battre. Mais The Witcher 3, ça se respecte. C'est impossible, ça se respecte. Ils ont tellement respecté leurs fans qu'on est obligé de leur rendre ce respect, quoi. Voilà, on peut pas dénigrer des gens comme eux. C'est ça, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est sur une estrade, sur une pyramide, ils seraient en haut, quoi. Niveau respect, voilà. C'est the must. C'est voilà, c'est des Project Red, on a retrouvé le respect, quoi. Le respect, il est dans leurs locaux. C'est ça. Mais de toute façon, ils ont un respect déjà pour les joueurs. Ils sont respectueux et honnêtes. C'est-à-dire que quand ça va pas, ils sont honnêtes, ils l'admettent. Ils font rien en fourbe. Voilà. Et ils préfèrent créer l'impatience et la colère chez les fans, mais pour un rendu. C'est-à-dire qu'on peut pas leur en vouloir longtemps. C'est-à-dire qu'ils peuvent nous mettre des carottes moldaves en disant oui, bah finalement on repousse, machin. C'est parce que derrière, voilà, ils veulent pondre quelque chose à la hauteur des attentes. Voilà. Et donc, moi j'ai un gros respect pour eux là-dessus parce que. Bah déjà double respect parce que ils respectent les fans et derrière, enfin le mec qui a écrit The Witcher c'est quand même un Polonais. Les Polonais, tout le monde s'en fout. Pour être honnête. Pour être honnête, les Polonais, tout le monde s'en fout. Mis à part la vodka, on s'en fout. La vodka, on dit que c'est russe, mais c'est quand même fait avec des patates polonaises. Donc, voilà. Mais les mecs, voilà, ils ont pris un Polonais au hasard et ils ont adapté son œuvre en la respectant. Et oui, oui. Et ça mérite un double respect. Parce qu'il y en a des licences qui prennent des œuvres qui ne les respectent pas. Mais moi aussi, ça me verse une petite larme pour tous ces Polonais qu'on dénigre. Eh ouais, les pauvres petits. Les pauvres petits. Non, mais voilà, la Pologne doit un immense respect à ces gens-là. Et qui ont su respecter le patrimoine. Le poitrimoine. Le poitrimoine, tout à fait. J'arrive plus à préparer. Voilà, et puis sur ce, bah, on va s'arrêter parce que c'est tout ce qu'on a. Si rapidement, de tous les jeux qu'on a cités, tous ceux qu'on a vus, tous ceux dont on a parlé, lequel toi t'inspire le plus? Lequel m'inspire le plus? S'il y avait un jeu que t'as absolument méga, super, giga envie de jouer, ce serait lequel? Mirror Edge. Mirror's Edge? Ouais, parce que je sens que c'est celui qui va être le moins décevant. Alors, je dis pas que les autres vont être déçus, mais c'est, à mon avis, c'est le seul qui va, voilà, qui va contenter avec ce qu'il offre. D'accord. C'est le seul sur lequel on pourra pas revenir en disant « Ah, c'est dommage, ils ont enlevé ça, ils ont rajouté ça ». Non, je pense qu'il va contenter avec ce qu'il offre. D'accord. Et toi? Moi, je parlerais bien du... Je vous parlerai bien très très rapidement du... Comment, du... Tu vas y arriver. Ouais, d'un jeu... plusieurs jeux, je t'en ai parlé, j'ai oublié d'en parler quand on a fait quand on a fait la rétrospective de l'année, mais j'ai bien envie de dire que de tous les jeux qui vont sortir cette année, ce qui m'intéresse vraiment, ça va être la sortie de Pokémon Jaune, Rouge et Bleu sur 3DS. C'est con, mais en fait, en février, moi je vous dis ça parce que j'ai ma 3DS, j'en avais entendu parler, et je m'étais promis que avant que les jeux sortent, je m'achèterai une 3DS. Et j'ai ma 3DS dans les mains et vous imaginez pas à quel point je suis heureux. Et ils vont sortir, je vais aller vous voir ça parce que il me semble que la sortie c'est le 27 février en France. Apparemment ils sont déjà sortis au Japon. On va juste taper hop là Pokémon Rouge 3DS. Donc apparemment il serait vendu 10€ de ce qui semblerait. Mais ouais, pour les 20 ans de la série, voilà. Donc on aura rouge, bleu et jaune le 27 février 2016 sur l'eShop. Je vais pas vous parler du truc que fait Nintendo à côté parce que ce sera que au Japon. Puisque Nintendo en fait va sortir des 2DS. Donc la 2DS qui est la version un peu low cost de la 3DS, pour être honnête. C'est la 3DS, c'est... mais qui se plie pas, tu sais. Et puis qui fait pas 3D. Si, je crois qu'elle fait 3D justement. Moi, il me semble que la 3DS c'est pour jouer au jeu 3DS, mais pour ceux qui veulent pas de 3D. D'accord, c'est très très bien. c'est parfait. C'est parfait, mais voilà. Effectivement, il va y avoir rouge, bleu et jaune qui vont sortir en version payante, hein, forcément. Ils vont pas non plus vous les filer gratos. Mais ils vont sortir sur 3DS et moi ça me parle carrément, sachant que là je vais aussi m'acheter un jeu très bientôt, puisque j'ai vu ça sur l'eShop de la 3DS l'autre jour. C'est un jeu Zelda. Alors ça va vous paraître con, hein, ça va vous paraître con. C'est pas le Triforce Heroes, c'est pas le prochain Zelda qui sortira machin. C'est juste que sur 3DS, ils ont ressorti... bon, déjà, ils ont sorti Majora's Mask et Ocarina of Time. Mais ils ont surtout sorti le Link's Awakening. Pour ceux qui n'ont jamais joué, c'est un jeu qui est sorti sur Game Boy il y a longtemps. Mais il y a tellement longtemps... Il est sorti il y a... C'était dans les années 90. C'était dans les années 90 qu'il est sorti. Enfin, c'est un putain de truc, quoi. Et ça a été mon premier Zelda. Et ils l'ont ressorti sur 3DS à 6€ sur l'eShop. Et en plus, c'est la version DX, donc la version couleur. Je suis en train d'essayer de regarder s'il n'y a pas, des infos en plus. Non, il y a classification, il n'y a pas d'année de sortie. Il est sorti dans les années 90. Et il est ressorti sur la 3DS en 2011, quoi. C'est pour vous dire à quel point je suis à la bourre. Mais pour moi, ce jeu était tellement parfait. Ce jeu était tellement parfait que, voilà, pour moi, mes jeux de l'année, ça va être le, les Pokémon originaux sur 3DS pour pouvoir y rejouer. Et surtout pour pouvoir récupérer les légendaires et tout. En espérant d'ailleurs, Alors ça c'est vraiment un truc. Vous allez dire que c'est con. Mais en espérant qu'ils aient pas corrigé les glitches. Et là vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'est-ce qu'il nous chante le Bobby? Qu'est-ce qu'il nous chante? En fait il y avait un glitch dans Pokémon toutes les générations. Enfin, dans les trois rouge, bleu et jaune, c'était tout simplement un glitch qui permettait de capturer Mew. Et tu espères au fond de toi qu'il ne l'ait pas retiré. Et j'espère au fond de moi qu'il ne l'ait pas retiré parce que ce serait tellement parfait. Tu fais ton Pokémon jaune ou rouge ou bleu ou peu importe. Peu importe celui que vous achetez. Et là, tu glitches et tu chopes Mew. Sachant qu'il est inchopable dans toutes les versions. Hein. Voilà, c'est à part en event. Et la plupart du temps, c'est des events japonais. Donc, bim. Si t'as une console européenne ou américaine, tu l'as dans les. Tu l'as pas au Japon, tu l'as dans là où je pense. Mais ça c'est le problème hein, c'est qu'il y a plein d'events plein de Pokémon qui sont mis en event mais qui sont mis que dans un pays quoi. Donc là tu fais voilà, c'est très gentil Nintendo hein, de penser aux joueurs et de faire des events mais moi je vais jouer sur ma 3, je vais avoir ce Pokémon sur ma 3DS quoi. Je veux pas voilà, le problème étant que si vous voulez avoir ces Pokémon sur votre 3DS en Europe ou en Amérique, il faut utiliser une Power Save. Ce que moi, en tant que personne, je considère comme de la triche. Hein, soyons honnêtes, je considère ça comme de la triche d'utiliser une Power Save. Donc du coup, ouais, c'est un peu difficile de me dire je vais utiliser une Power Save, un truc comme ça. Et là, de me dire, je vais peut-être pouvoir avoir Mew légalement, puisqu'un glitch, c'est légal, hein, c'est dans le jeu. De me dire, je vais pouvoir avoir Mew légalement et pouvoir l'importer, parce que du coup, moi, ce que je ferais, c'est que je vais glitcher en boucle, quoi. Je vais glitcher en boucle et je vais l'importer dans mes versions, X, Y et Rosa, quoi. De me dire ça, de me dire que je vais pouvoir avoir ça légalement, c'est carrément, quoi. J'achète. Oui, je dis oui. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Putain, les blaireaux. Quoi? Eh, hey, non, mais Ah oui. Va te faire foutre, il a été viré en plus. Ah bah ça, à force de dire oui, hein. Non, mais vraiment, Julien Lepers, ça a été viré de question pour un champion. Voilà, tu fais... Non. Première fois de sa vie qu'il disait non. Non. Première fois de sa vie qu'il disait non, c'est ça. C'est exactement ça. Donc voilà, je vous embrasse. Enfin, c'est fini. Hein, voilà, on est d'accord. C'est la fin. Voilà. Et donc voilà, moi je vous fais des bisous à tous. Et puis on se moi je vous fais pas des bisous. Ah ouais, c'est toi t'as crevard, t'es comme ça quoi. Je suis comme ça, moi je ne fais pas de bisous. J'ai pas envie, pas aujourd'hui. Voilà, et ben moi je leur fais des bisous. Pas toi, parce que toi t'es un crevard. C'est ça. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Même chaîne, même heure. C'est ça. Ah, mais il y a des blagues, faut pas les faire. Hein, ta gueule. Non, voilà, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vous fais des bisous. Et puis voilà. N'oubliez pas d'aller visiter le site de nos partenaires, hein, les Players du Dimanche. Oui. Vous cherchez ça sur internet. Vous êtes grand. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Voilà. Oui. Bye bye les gens. Tchuss. Ah et puis n'oubliez pas le Mixcloud et puis la chaîne YouTube pour toutes les vidéos. Voilà. Bye bye.